Vamos a ver más en detalle lo que es la acción del tracking de químicos. Vamos a ver la anatomía de la mecánica de la partida. Lo tenéis traducido, por tanto no lo voy a traducir, simplemente ir leyendo. Para que este centro de gravedad caiga en ese centro de presiones polares, siempre va a haber como una Sí, es como una especie de carrera, uno va a ir detrás del otro, ¿vale? Para buscar esa salida, algo dinámico. C'est-à-dire que si votre centre de gravité va en avant, le centre de pression caudale va passer devant pour pouvoir le faire partir en arrière. Es aquello del y yo más, y tú más, ¿sabes? Aquello de yo tengo un coche, pues yo tengo dos. Pues lo mismo pasa con el centro de gravedad y el centro de presión caudal. El centro de presión caudal va a ir hacia un sentido y el centro de gravedad y el centro de presión caudal va a ir hacia ese sentido y aún un poco más. ¿Vale? Donc, pour pouvoir permettre ça, en fait, on a des synergies musculaires. Para permitir esto, existen sinergias musculares, sinergias musculares, qui vont permettre de garantir cet équilibre. Donc, on voit sur le sujet de gauche, on a un sujet qui est normal. Aquí vemos a la izquierda un sujeto que es normal. Donc, si on demande à quelqu'un de s'arc-boutier et de se pencher en arrière, si on demande à quelqu'un de se pencher en arrière, si alguien se tire hacia atrás, pour pouvoir garantir son équilibre et rester debout, para poder garantizar su equilibrio y que se quede de pie, et ben, il va y avoir une flexion des genoux qui va se faire. Va a necesitar una flexión de rodillas. Pourquoi? Parce que là, on a un patient qui a une atteinte cérébelleuse. Aquí tenemos un paciente con una lesión cerebelosa. Donc, il y a une perturbation au niveau de la motricité automatique et de la régulation posturale. Tiene un problema a nivel de la regulación postural y la motricidad automática. Y là, dans ces cas-là, on voit qu'il se penche en arrière, mais il ne se passe rien en fait, au niveau du genou et au niveau de la cheville. Veis cómo se tira de atrás, pero no pasa nada a nivel del tobillo ni de las rodillas. Alors, pourquoi en fait, le patient fléchit le genou et les tibios et les chevilles? Entonces, ¿por qué el paciente dobla las rodillas del tobillo? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de se mettre en arrière, il va avoir son centre de gravité qui recule. Porque el hecho de ponerse hacia atrás, su centro de gravedad va a irse hacia posterior, ¿verdad? Et pour pouvoir le ramener dans son polygone de suspendation, il est obligé de faire une flexion en fait, au niveau de la cheville. Y para poder caer dentro del polígono de suspendación, necesita hacer una flexión a nivel del tobillo y de la rodilla. Alors, alors que chez ce patient, comme il n'y a pas d'adaptation posturale, et qu'il n'y a pas de flexion qui se fait au niveau du membre inférieur, le centre de gravité sort du polygone de suspension. El centro de gravedad va a salir del polígono de suspensión. Et le patient va se prendre l'équilibre. Y el paciente no va a tener equilibrio y se va a caer. Donc c'est pour ça que c'est une personne derrière qui va pas. Por eso tiene una persona detrás que lo coge. Alors des synergies neuromusculaires, on en a plein. Elles apparaissent très tôt. Entonces, tenemos sinergias neuromusculares que aparecen muy temprano y estamos llenos de ellas. Par exemple, Magnus a décrit ce qu'on appelle le réflexe nucal. Magnus describió lo que se llama el reflejo nucal. Alors, le réflexe nucal, c'est quoi? C'est qu'on va avoir une activation des muscles expanseurs au niveau du membre supérieur et du membre inférieur. El reflejo nucal es que va a haber una activación de los extensores del miembro superior y del miembro inferior. Du même côté, on va tourner la tête. Del mismo lado al que se gira la cabeza. Donc, rotation de tête à droite. De rotación de la cabeza a la derecha. Augmente la tonicité des extenseurs. Aumenta la tonicidad de los extensores a la derecha. Là, on voit, en fait, on a un bébé qui est prématuré. Aquí tenéis un bébé que es prematuro. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau nerveux, c'est une prématurité. Au niveau du système nerveux, il y a des branchements qui n'ont pas été faits. A nivel del sistema nervioso, ahí no se han enchufado ciertas conexiones. Donc, on a des synergies qui n'apparaissent pas. Hay sinergias que no aparecen. Et lui, on voit qu'en fait, le fait d'avoir la tête qui est tournée à droite, on se retrouve avec une activation des extenseurs du membre inférieur droit, mais pas au niveau du membre supérieur. Entonces, veis como hay una activación de los extensores. ascenso de teniente inferior al promotor de teniente inferior. Superior. Superior, perdón, superior. Por aquí hay sitios. Entonces están los. Hay dos sitios libres, ¿verdad? Aquí. Aquí hay uno, aquí hay otro, ¿verdad? Il y a des synergies aussi entre la position de la tête et le dos muscle qu'on va avoir au niveau rachidien. Hay también sinergias entre la posición de la cabeza y la posición de los miembros. Que después para la práctica es un follón. No, no, no, no, no, no, no, es que tiene este sitio que un medio. Ah, vale. Gracias. Donc on voit chez un bébé. Donc en fonction de la position de sa tête, hein, de la position. Donc la position du rachis ainsi que la position des membres interprétées différentes. Veis que en fonction de la position de la cabeza, la position del raquis et los miembros va a ser diferente. Donc lorsqu'il a la tête en extension, on a en fait une augmentation du tonus au niveau rachidien, ainsi qu'au niveau en fait, des membres inférieurs, qui se progressent. D'accord, et c'est l'inverse lorsqu'on a la tête en flexion. Ça, c'est un des réflexes, un des premiers réflexes qui apparaissent, qu'on appelle le réflexe en fait des grands capitaux. A nivel, uno de los primeros reflejos que aparecen son los que llamamos los reflejos de los puntos cardinales. Alors, ce réflexe, c'est quoi? C'est lorsqu'on vient faire une activation sur le coin de la bouche. Lo que hacemos es una activación a nivel de los puntos de la boca, alrededor de la boca. On va avoir une rotation de la tête qui va se faire du côté où on va en fait stimuler la. Y veremos que hay una rotación de la cabeza del lado que se estimula à la de la boca, se estimula y se le ve haciendo la rotación. D'accord. Donc, ça, l'intérêt de ce réflexe, c'est quoi? C'est permettre au niveau D de pouvoir accrocher le bâton pour stimuler. L'intérêt de ce reflejo es poder permitir al bebé el acercarse al tetón y ponerse a mano. Alors, donc ça veut dire qu'il y a un lien direct entre la peau au niveau de la bouche et le tonus que l'on a au niveau du cadre. Un autre réflexe, le réflexe de succion. Donc chez le nouveau-né, dès qu'il a quelque chose dans la bouche, dès que l'intérieur de la bouche et la langue soient stimulés, il met en place en fait une succion qui est automatique. El reflejo de succión es que cuando el bebé se le pone algo a nivel de la boca, inmediatamente se estimula el labio y lengua y se ponía a succión. Ponía a mano. No, no sé si vous avez déjà testé, c'est pas. ¿Lo habéis intentado? ¿Con un bebé? Es muy fuerte. A un bebé lo pones en el pecho, le tiras y se queda en la cabeza. Donc, Fukuda est l'un des premiers à avoir décrit en fait ces réflexes posturaux. Fukuda fue el primero en describir los reflejos posturales. Donc, lui, c'est des études qu'il a faites, donc les réflexes posturaux par rapport au mouvement. Y él hizo estos estudios en relación al movimiento. Et il a beaucoup étudié en fait les sportifs. Le estudió mucho a los deportistas. Et entre autres, les joueurs de baseball. Sobre todo, los jugadores de baseball. Donc, si vous vous souvenez de la diapo qu'on a vue tout à l'heure avec le nouveau-né qui avait la tête tournée et son hyper-expansion du côté qu'il avait la tête tournée, on retrouve la même position ici, sur le plan de l'espoir. Recordar la imagen del bebé con la cabeza girada y la extensión de los miembros de ese lado, que es la misma imagen que ese jugador de baseball. Alors, chez le sportif, c'est les positions qu'on va retrouver sur le mouvement extrême. En los deportistas lo vamos a encontrar en los movimientos extremos. Sur les mouvements qui vont demander de la haute vélocité ou alors de la grande force musculaire. Son movimientos que nos van a pedir muy, una gran velocidad o una fuerza extrema. Donc il a décrit au travers de planches à la tribune en posición que tú puedas hablar o la posición de la gente en el centro. Entonces, describió diferentes posiciones que puedan haber en los deportistas en relación a la posición de la cabeza. Et donc là, l'intérêt de cette planche, elle nous montre qu'en fonction en fait, de l'extension de la hauteur du saut et de l'effort que va fournir le sportif. En fonction de l'altura del salto y del esfuerzo que va a hacer el deportista. Donc les, comment dire, le tonus va plus ou moins varier. El tono va más o menos variar. C'est-à-dire qu'on va avoir, là où on va avoir le plus d'extension. Aquí vamos a tener el máximo de extensión. C'est sur le saut qui va demander le plus. Es en el salto que va a pedir más potencia. Alors, il faut savoir que ce réflexe, ce réflexe buccal, peut être perturbé par le stress et les émotions. Puede perturbarse por el estrés y las emociones. Hein, donc là, par exemple, vous voyez, ce sujet, on n'a pas de faire expansion au niveau du membre supérieur, côté de la tête détournée. Este señor, aunque tiene la cabeza afinada, pues tiene los miembros flexionados. El de la derecha. ¿Entendéis la imagen? ¿Eh? Es un hombre que está en pelotas. Ah, bueno. Entonces, bajo estrés, no presenta el patrón. ¿Vale? Entonces, aquí no está en extensión del lado que tiene la cabeza afinada y eso que se va a pegar el campiñazo cae en el caballo. D'accord, donc il faut avoir à l'esprit que le stress, les perturbations émotionnelles peuvent venir en fait perturber toutes ces synergies musculaires. Entonces, tenéis que quedaros con que el estrés puede perturbar estas sinergias musculares. ¿Sí? ¿Veis ahora mejor? Donc Fukuda a décrit aussi ce qu'on appelle la manœuvre du piétinement. Fukuda describió la maniobra de pisoteo. Donc le principe de cette manœuvre, en fait, c'est dans un premier temps, on va demander à un patient de faire. Lo importante de esta maniobra es que se va a pedir al paciente que haga. Donc on va demander à un patient de piétiner sur place en ayant les bras tendus et les yeux fermés. Et on va demander qu'il haga un pisoteo con los brazos extendidos y los ojos cerrados. D'accord. S'il a des perturbations en fait toniques au niveau de ses rotateurs externes des membres inférieurs. Si tiene una perturbación de estos rotadores externos a nivel del miembro inferior. Le fait de piétiner entraîne en même temps une grande rotation. El hecho de hacer un pisoteo va a comportar una rotación. ¿Está claro para todos? ¿Qué es importante? Donc, on va faire des mesures en fait dans trois situations, position tête neutre. Vamos a realizarlo en tres cuadros, en position cabeza neutra. Donc, position tête tournée à droite. Cabeza à la derecha et cabeza inclinada à la izquierda. Donc, dans la situation où on est tête tournée à droite. Cuando la cabeza esté girada a la derecha. Cela va augmenter en fait la tonicité des extenseurs à droite et des rotateurs externes. Va aumentar la tonicidad de los extensores y rotadores a la derecha. Rotadores externos a la derecha. Donc si la tension, le tonus au niveau des rotateurs externes du rotateur droit est augmenté, on doit avoir un mouvement de rotation qui va se faire vers la gauche en piétinant. Cuando rotamos la cabeza a la derecha, se va a aumentar el tono de los extensores y rotadores a la derecha, por lo tanto debería haber una rotación a la derecha. A gauche. Deberíamos tener una rotación a la izquierda. Parce que à chaque fois que je suis en appui sur mon pied droit, quand j'ai un rotateur externe moins isotonique, ça me fait tourner à chaque fois un peu plus à gauche. Como tenemos los extensores a la derecha más tónicos, eso nos va a provocar que cada pisoteo vamos a girar a la izquierda. Pero eso como, si tengo más tono en ese lado, no me tira hacia ese lado. No entiendo yo. ¿Eh? Hacia el contrario. Él va a hacerlo, mirar. Entonces, le Fukuda en position neutre, le patient va être comme ça tendu. Le Fukuda en position neutre, ça va prendre en cette position. Il va être les yeux fermés pour enlever tous les repères visuels. Va à cerrer les ojos pour quitter tous les stimulus visuels. D'accord. Et il va piétiner. Et entonces va à faire un pisoteo. D'accord. On demande de piétiner. Donc, repetimos que haga un pisoteo. Donc maintenant on va imaginer ce qui va se passer sur mon côté droit. Alors vamos a pensar lo que pasa a nivel de mi lado derecho. Donc la rotation de la tête à droite augmente la tonicité des expanseurs. Cuando giro la cabeza a la derecha aumenta el tono a nivel de mi lado derecho. Et aussi des rotateurs externes. Y también a nivel de los rotadores externos a nivel de la derecha. Rotateurs externes et expanseurs travaillent en synergie. Rotadores externos y expansores trabajan en sinergia. Ok, donc ça veut dire que si mon pied, je suis en position pied libre. Donc si mon pied est libre, en position libre, carte ouverte. Et donc, si la tension au niveau de mes rotateurs externes, ça va faire tourner mon pied sur la droite. Et donc, quand yo estoy aumentado, mi pied va girar hacia la derecha. C'est ok. D'accord. Maintenant, si je suis pied d'appui au sol. Pero si yo estoy con el pie en el suelo, con el pie en apoyo. D'accord, donc j'ai mes rotateurs externes qui travaillent plus. Y mis rotadores externos no van a trabajar. Donc une rotation externe, ça fait quoi? Ça me fait tourner à gauche. Una rotación externa que le va a hacer. Cuando el rotador externo va a trabajar más. Sí, cuando el rotador externo va a trabajar más, pero es en cadena cinética cerrada. Es decir, el pie está apoyado en el suelo. Si el pie está en cadena cinética abierta, el pie va a girar así. ¿Esto queda claro a todo el mundo? Pero si el pie está en cadena cinética cerrada, que está apoyado en el suelo, no puede girar, entonces el cuerpo va a girar de esta manera. ¿Del otro lado? Sí. ¿Está claro ahora para todo el mundo? Es en función de cómo esté el pie, si está en el aire o está apoyado en el suelo. Y ahí entonces van a trabajar mucho más. Pero tú cuando das el piso, tío, hay tiempos en cadena cinética abierta y tiempos en cadena cinética cerrada. No se equilibrará. Donc maintenant, si je ramène par rapport au Fukuda, on va dire que j'ai une hyperextensibilité à droite. Entonces, si yo vuelvo al Fukuda, en una hyperextensibilidad a la derecha. D'accord, donc ça va faire ça. Chaque fois que je suis pied droit, ça me fait tourner un petit peu à gauche. Entonces, cada vez me va a hacer girar a la izquierda. Ok. ¿Vale? Alors, la question de que dans le Fukuda, il y a une face aérienne et une face sur le sol. C'est la face sur le sol qui est importante. Es la fase de apoyo en el suelo la más importante, la más potente, por lo tanto es la que te va a tirar. En la fase aérea la persona no se va a mover. ¿Vale? ¿Ese cuerpo se gira? Sí. ¿Por qué gira el cuerpo? En la parte contigua, el de coma, gira el cuerpo. Ah. D'accord. Alors, tu vas donc il y a des respirations à pied. D'accord. Donc maintenant qu'elle est sur le pied droit, elle va essayer de tourner son pied vers la droite. Donc son corps est tourné à gauche. Tu intentas. No lo tires. Intenta, haz el movimiento para girar a la derecha. Tu cuerpo se va a desviar. ¿Vale? Cuando giras a la derecha, con el hecho de girar, ya aumentas la tensión en los rotadores externos. Vamos a hacer lo mismo a nivel del lado izquierdo para ver lo que pasa a los pies. Y hacer así y donde los rotadores están mirando aquí. Sí. Ya te lo has perdido. Es mucho más fácil pensar en una bíquen inserción. Si yo fijo un lado, el músculo va a tirar del otro, por tanto produce esa rotación. ¿Vale? ¿Habéis hecho la maniobra de MCP? ¿Habéis hecho la maniobra de MCP con la cabeza girada rotada a la derecha a la izquierda? No. No. No. Voilà. En fait, ce qu'observe le Fukuda dynamique. Si observamos el Fukuda a nivel dinámico, c'est ce que nous on observe en faisant la tête à droite. Es lo mismo que vamos a observar cuando miramos la cabeza a la derecha o a la izquierda. Vale. Surtout ce qu'il faut bien retenir, c'est que en fait, il y a une synergie entre le côté où on tourne la tête e hiperactividad de los extensores y los rotadores externos. Lo que tenéis que quedaros es que hay una relación directa entre la posición de la cabeza y la tonicidad de los miembros interiores. ¿Se está haciendo si Et donc, cette manière de détruire ventriculaire permet justement de voir, ben, déjà dans un état, quand mon patient est têteux, est-ce qu'il prend une piétine, est-ce qu'il tourne d'un côté ou d'un autre. Con el Fukuda, con la rotación de la cabeza, nos va a permitir evaluar si la persona, cuando tiene la cabeza rotada, se va hacia un lado hacia el otro. Donc, ce qui peut, ce qui va exprimer un déséquilibre des rotateurs externes d'un côté par rapport à l'autre, si lo, lo que, sí, lo que nos va a poder, lo que vamos a poder observar es si existe un desequilibrio de los rotadores externos de un lado respecto al otro. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, voir est-ce que lorsque je tourne la tête d'un côté ou d'un autre, je retrouve cette hypertonicité au mot latéral, cette synergie de fonction. Y ver si al girar al ver si existe cuando giro la cabeza un aumento de tonicidad en un lado o en el otro. Je dis si dans la première chose que tu as dit, c'est je crois que j'ai entendu deux fois la même chose. Déjà, tête neutre, est-ce qu'on a un équilibre des rotateurs externes entre côté droit et côté gauche? Est-ce qu'on a son tenu par où est-ce qu'il y a une place? Perdona, es lo que he dicho, creo que he traducido dos veces la misma cosa. Con la cabeza neutra, lo que vamos a ver es si existe un desequilibrio entre los rotadores de un lado y otro. ¿Vale? He dicho que la cabeza girada. Es con la cabeza neutra. Y con la cabeza girada, lo que nos va a permitir es evaluar, a ver qué te tune, o la evalué. Donc après on tourne la tête à droite, on regarde est-ce qu'on a bien cette rotation à gauche qui se fait, on tourne la tête à gauche, est-ce qu'on a bien cette rotation à droite. Donc con la rotación de cabeza vamos a evaluar ese aumento de tonicidad, si está bien o no. Al girar la cabeza a un lado, vamos a ver si se produce la rotación hacia el lado contrario o al contrario. Entre la tonicidad de los rotadores y extensores externos de un lado y del otro. Que la persona no debería girar con la cabeza. Voilà, et donc lorsqu'on n'est pas dans la physiologie, on va voir que le fait de tourner la tête n'entraîne pas le mouvement de rotation attendu ou entraîne un mouvement de rotation en sens opposé. En position con la cabeza rotada, vamos a ver si se va a provocar el movimiento, se va a producir el movimiento fisiológico. ¿Vale? El hecho de hacer el Fukuda modificado es para ver si existen problemas a nivel nucal. Nucal. Es un test que es dinámico. Après, nous, y es dinámico. Voilà, ce qu'on fait nous avec la MCP et la hauteur de maniobra. Cuando miramos la MCP y la altura de los maniobros, va nous permettre de savoir est-ce que on a fait une distinction de ces types au niveau de l'arc inférieur. Lo que nos permite discernir es que no haya un problema propioceptivo a nivel del miembro inferior. Sí, me refería a. ¿Cuál es cuida? Me refería a rotación temporal y rotación de calma. Sí, pero no lo habéis visto. No lo habéis visto. Entonces, no lo habéis visto cuando lo expliqué. Par contre, oui, je pense qu'on va se péter. Vous ne faites pas de rotation Z avec MCP ou corps de maniobre. Sí, no vamos a hacer MCP con la altura de los maniobros y rotación de la cabeza. No, con la altura de los maniobros. No, ya, pero. No, el parle sous le nom de MCP et rotation Z. Donc, on ne l'a pas vu. Je dis qu'on ne prend pas des liaisons qui ne sont pas. Quand tu expliques l'MCP avec la rotation tête, alors. Mais la MCP, effectivement, la MCP, la rotation tête va se rapprocher un peu plus du Fukuda. La seule différence est que le Fukuda, en fait, on peut mesurer, on peut avoir des valeurs chiffrées, on n'a pas avec la MCP. Similar, le résultat que nous allons tenir avec la MCP et la rotation de la cabeza, le problème est que con le Fukuda lo puedes objetivar, pero con la MCP no lo puedes. Vale, porque con el Fukuda puedes decir cuántos grados. ¿De acuerdo? Vale. La vista Buda está puesta así porque esos son los ángulos. Entonces, en función de dónde acabe la persona, tú puedes decir, pues ha movido tanto y tanto. ¿Vale? Mónica, entonces cuando en postología muchas veces se dice, ¿no?, la importancia de relación cervicales-pie, es por esta es la explicación, ¿no?, más fisiológica. Alors, on dit que ça c'est l'explication physiologique de la relation entre la tête et le pied. Una de ellas. Hay muchas. Vamos a ver otras. Esta es una. Donc il a fait aussi des tests sur l'écriture. También hizo test con la escritura. Donc, sur les déviations que tu vas avoir en écrivant, avec les yeux fermés, avec la tête fléchie en avant ou la tête en extension. Hizo un test a la persona haciendo escritura vertical con los ojos abiertos, en posición normal, con los ojos cerrados y con una flexión de cabeza. Voilà, donc là on est tête. Hein. Aquí, cabeza en flexión, tête en position normale, cabeza en posición normal, y tête en extension. Y cabeza en extensión. Donc, ça montre, en fait, ça modifie, en fait, la taille des lèvres ainsi que l'écartement que l'on va avoir. Y entonces, esto va a modificar el tamaño de las letras y la separación entre ellas. Alors, pareil avec les rotations de tête. Lo mismo con la rotación de la cabeza. Donc toujours pareil, là, par rapport à la position du rameur. Lo mismo en relación con los que hacen remo. Donc en montrant qu'il y avait une synergie entre le pied et le dos. Y miró que había sinergias entre el pie y la espalda en relación a los brazos. Mais ça à partir du moment où le rameur en fait va être dans un effort qui est assez poussé. Y esto siempre que se produzca en el momento que el remero esté en un momento de más potencia, que necesite más potencia. Donc on décrit beaucoup de réflexes, qu'on appelle les réflexes de la peau. Hay muchos reflejos que se llaman reflejos, uno de ellos son los reflejos neonatales. Donc ça c'est une batterie de tests qui sont effectués chez le nouveau-né juste après la naissance. Ils ont une batterie de tests qui se réalisent juste quand le bébé naît. Donc ils ont pour intérêt de voir est-ce qu'il n'y aurait pas de pathologie neurologique sous-jacente. Para evaluar si que no tenga patología neurológica subyacente. Donc au niveau plantaire, il y a un réflexe cutané plantaire. A nivel cutáneo está a nivel plantar. Donc si on vient stimuler la partie externe au niveau du pied, on va avoir une extension en fait des orteils. Si stimulamos la cara externa plantar, va a haber una extensión de los dedos. Et à contrario, si on vient stimuler la partie interne au niveau du pied, on va avoir une flexion en fait des orteils. Y si estimulamos la cara interna, vamos a tener lo contrario, que es una flexión de los dedos. D'accord. Pareil, le réflexe d'extension, donc si on prend un nouveau-né et qu'on met ses pieds en contact avec le sol. Después también tendremos el réflexe d'extension, quand on ponemos al bébé con sus pieds en contact avec le sol. Donc le fait d'avoir les sols plantaires qui sont en contact et de subir une petite pression au niveau des sols plantaires. El hecho de poner al bébé con un apoyo plantar directo sobre el suelo y reposar un poquito el peso. Donc ça va stimuler les muscles extenseurs qui sont des muscles antigravitaires. Y esto va a estimular los músculos extensores que son músculos antigravitatorios. Et donc le bébé va se mettre en position. Entonces el bebé, el recién nacido, se va a poner de pie. Si dans cette même position on penche légèrement en avant, on fait une petite flexion dorsale au niveau de la tibia tarsienne. Si en esta misma posición se le coloca al bebé una pequeña flexión dorsal, es decir, se le tira un poquito hacia adelante. Et bien là, dans ces cas-là, on a la marche automatique qui se met en place. En este momento se pone en marcha la, se activa la marcha automática. Donc il a été montré que cette marche automatique peut aussi se faire sous la dominante de l'œil. Se ha demostrado que esta marcha automática también se puede activar bajo dominancia del ojo, no del pie. Alors que pendant très longtemps on pensait que cette marche automatique ne dépendait en fait que du contact plantaire du pied au sol. Porque desde hace muchísimo tiempo siempre se había pensado que este reflejo estaba bajo dominancia del pie, se provocaba por el estímulo. chez un nourrisson de 3 jours. Si on le met au-dessus en fait, d'une planche avec des regards qui se fait, donc en noir et blanc, parce que le nouveau-né ne voit qu'en noir et blanc. Se le pone una referencia visual que son cuadrados blancos y negros, porque los bebés lo que ven cuando son muy chiquitos son los contrastes. Donc voilà, il faut que ce soit une surface avec beaucoup de contraste. Et si on fait défiler cette surface sous ses yeux, il va mettre en marche la marche automatique. Entonces, si se pone este estímulo, se hace rodar debajo de él, y él lo ve, se va a activar este reflejo. Alors, il y a un autre réflexe qui existe aussi, qu'on appelle le réflexe d'enjambement. Donc, il y a un réflexe qui permet en fait de passer au-dessus d'un obstacle. Donc, lui, il va se mettre en route à partir du moment où il va avoir un contact qui va se faire sur la partie inférieure de la chambre. Este reflejo se va a poner en marcha en el momento que haya un objeto que se pone en contacto en la parte anterior de la tibia. Alors, le réflexe de micción. Entonces tenemos el reflejo de micción también. Voilà, chez un nouveau-né, si on vient gratter en fait la partie basse du dos, ça va enclencher en fait une micción automatique. Si se estimula la parte espinal baja de un recién nacido, se va a estimular el reflejo de micción. Al estimular, se va a activar la vagina y se pone a hacer pipí. Alors ça, c'est quelque chose qui est énormément utilisé chez les mammifères, dans la nature. Esto es algo que se utiliza mucho en los mammíferos, en la naturaleza. Par exemple, les animaux qui vivent dans des terriers, on pourrait donner le loup, entre autres. Par exemple, les chiens, on peut utiliser ça. En fait, la mère va venir lécher en fait, la région anale du chiot pour enclencher en fait, la défécation et la miction de façon à tout récupérer les vacuoles qui arrivent. Este reflejo se utiliza mucho en los mamíferos, por ejemplo, en los lobos o algunos perros. Lo que hace la mamá es estimular la región anal del cachorrito para que haga pipí a la caca, poder recoger sus excrementos y llevárselos donde sea, enterrarlos para que no puedan seguir el rastro. Sí. Vamos a hacer eso con el niño. Casi nos ahorramos los pañales. Ça, ça explique pourquoi vous avez des enfants qui se mettent à faire pipi quand ils sont enceintes. Esto explica por qué los recién nacidos, cuando tú vas a cambiarlos, se te hacen pipi. On se met, on permet de la main dessus pour le tenir. En fait, on stimule la zone sans s'en rendre compte. En un recién nacido, tú coges y piensas que es yu, le doblas para coger y limpiarle absolutamente bien. Entonces, cuando tú le has estimulado, cuando bajas a ponerle el pañal, el bebé ya hace entonces, un consejo antes de cambiarle, le estimuláis. Esperáis un poquito y luego le hacéis. Un autre réflexe qui est très important, qui est le réflexe vital. Otro reflejo que es muy importante es el reflejo vital. Donc chez un nouveau-né, un tatou, dès qu'il a les voies aériennes qui sont obstruées, qui ne vont pas respirer, donc il va en fait abaisser ses membres supérieurs, prendre appui en fait sur ses avant-bras de façon à pouvoir soutenir sa tête et la tourner. El reflejo vital lo que pasa es que el bebé en el momento que sus vías aéreas están tapadas, el bebé va automáticamente a abrazar sus brazos, a subir sus brazos para apoyarse en los antebrazos y poder hacer una extensión de cabeza y poder tirar, para dejar libre las vías aéreas y poder respirar. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que cette notion de tonus musculaire, c'est une notion de tonus vraiment dans la globalité du corps, on n'est pas segment par segment. Lo que tenéis que quedaros es que esta noción de tono se aplica a nivel global, a nivel global del cuerpo, no se aplica segmentariamente. Donc après Beetlejuice, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un des concepteurs en fait de l'ostéopathie. Según Beetlejuice, que Beetlejuice fue uno de los padres de la osteopatía europea. Donc, Aesquil, en fait, a fait des études au niveau rachidien, et a décrit différentes courbures en fait, qui peuvent exister au niveau du rachis. Estudió lo que es el raquis y definió diferentes curvaturas que podrían existir. Donc, après nous, dans le détail par rapport au chef de roue musculaire, ça fait un intérêt à proprement parler, donc peut-être la notion qui est explique. Hein. Para nosotros no es que tenga mucho interés, pero. Mais après, si vous voulez, ce qui est intéressant par rapport à cette description, c'est de montrer en fait que l'on peut avoir différents types posturaux au niveau rachidien. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Pero lo que tenemos que quedarnos es que se pueden describir diferentes tipos posturales. Des façons, de la curva de la espalda. Des façons qu'on va considérer plutôt comme postériorisées, comme antériorisées. Y nosotros vamos a considerarlo como una persona posteriorizada y, o normal o anteriorizada. Et vous comprenez bien qu'en fonction en fait, des types de postures que l'on va avoir, ben, on va avoir des contraintes rachidiennes qui vont être différentes. Et entonces entenderéis bien que en función de la posición, del tipo, la tipología de la persona, van a haber unas tensiones rachidias que se van a imponer. Donc des contraintes soit au niveau effectivement de la colonne rachidienne, mais aussi au niveau du bassin, puisqu'on voit bien que la position du bassin n'est pas la même. Donc vamos a tener tensiones que se van a establecer a nivel rachidio, pero también. Donc la plupart des muscles de toute façon qui vont travailler pour la régulation de la posture, ce sont des muscles qui sont posturaux, qui sont pardon, postérieurs. La mayoría de músculos que van a trabajar en el equilibrio postural son músculos posteriores. Parce que lorsqu'on est en position debout, en fait, tout nous amène à tomber en avant. Porque todo, cuando estamos en posición bípeda, lo que nos lleva todo nos lleva a caer hacia adelante. Por tanto, la musculatura está a la parte posterior. Donc ça veut dire qu'en position orthostatique, on doit en permanence lutter contre cette force qui nous entraîne vers l'avant. En position orthostatique, on va avoir une lutte de forces entre les forces qui nous vont vers l'avant. Et donc au niveau des pieds vers l'intérieur. Et à niveau des pieds qui nous vont vers l'intérieur. Donc c'est pour ça en fait que les muscles les plus puissants sont situés sur la partie postérieure et sur la partie externe. C'est pour ça que les muscles les plus potents les vamos a tener à niveau postérieur et à niveau externe. Donc là, ces différentes aptitudes qui ont été décrites par Beetlejuice en fonction de la situation globale du patient, s'il est antériorisé ou s'il est postériorisé. Beetlejuice describió diferentes aptitudes en función de si está anteriorizado o posteriorizado. Alors, c'est des descriptions, nous, on peut trouver des corrélations par rapport à ce qu'on va observer en cabinet, mais il n'a pas un catalogue aussi précis que ça. Nosotros podemos encontrar en consulta. Pacientes que van a entrar dentro de estas premisas, pero no siempre van a estar bajo todos los aspectos que se van a describir. Van a haber variantes. Voilà, c'est-à-dire que pour nous c'est intéressant de voir ce qui a été décrit, mais il ne faut pas tout prendre à la lettre. Entonces es interesante que leáis y que sepáis lo que se describe, pero que no lo toméis a la letra. Porque pueden haber variaciones múltiples. Voilà, donc globalement, chez le patient qui est antériorisé, on va avoir plus de tension postérieure. Globalement, une personne antériorisée va tenir la tension postérieure. Au niveau musculaire et ligamentaire, si on vient au niveau du pied, bah, effectivement, on va avoir une surcharge au niveau de l'avant-pied. Si on vient au niveau du pied, on va tenir une surcharge au niveau de l'avant-pied. Et puis là, après, c'est toutes les pathologies qu'il a décrites par rapport à cette posture antériorisée. Et là, il y a toutes les dysfonctions qu'il a décrites en relation à la posture antériorisée. Pareil, il a fait la même description pour le patient qui est postériorisé. Et après, il a décrit le même pour la personne qui est postériorisée. Et ça, c'est tout ça, la toute information. C'est quelque informationnel, formé comme algo informationnel. Alors, du chef de boule, mais si peut-être pas bien, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que c'est encore humain, aucun muscle ne se contracte tout seul. Et du chef de boule explique que en la personne, en l'homme, un músculo no se contrae aisladamente. Alors, Robin, elle a fait des études en fait sur, sur les réflexes posturaux qu'on pouvait observer chez les enfants. Robin, hizo un estudio sobre los reflejos posturales que se pueden encontrar en los hemiplégicos. Alors, là, le but aussi, c'est pas de connaître les réflexes posturaux typiques chez les hémiplégiques, mais c'est de comprendre que finalement, en présence d'une hémiplégie, on voit bien qu'on a des réflexes cuando tenemos una hemiplegia podemos observar bien que los reflejos se han perdido. Voilà, donc là on a un patient qui est un hemiplegico gauche. Aquí tenemos un hemiplegico izquierdo. Et on voit quand on a une rotation de tête à droite, hein, on va avoir la longue supérieure droite qui va être en extension. Vemos que cuando hay una rotación a la derecha va a tener una extensión de los miembros. Voilà, mais surtout ce qui est important, c'est qu'on va avoir une flexion en fait au niveau du membre supérieur gauche. Et surtout que va avoir une flexion à niveau du membre supérieur gauche. Voilà, donc ça c'est une position qui est assez typique chez les hémiplégiques. Esto es una posición muy típica a nivel de los hemiplégicos. Et puis bah, on voit bien que lorsqu'il y a une rotation de tête un petit peu de côté à gauche, et bah, on voit qu'au niveau de son membre supérieur gauche, on n'est plus dans cette hypertonicité des muscles fléchisseurs. Y cuando hay una rotación izquierda, no está en esta, ya no está este brazo en la posición de hiperflexión, se queda estirado. Donc il n'y a pas beaucoup d'aller voir sur internet les différentes études qu'il y a qui sont relativement intéressantes. Y en internet podéis encontrar sus estudios, son muy interesantes. Donc après, si on rentre vraiment dans cette notion de chaîne neuromusculaire, bah, on va se rendre compte que les chaînes neuromusculaires, elles ont été décrites bah, sous différentes formes. Y si entramos más en profundidad sobre lo que son las cadenas neuromusculares, podéis ver que se han descrito bajo numerosas formas. D'accord, on décrit des systèmes en des chaînes antérieures, des chaînes postérieures, des chaînes directes, des chaînes croisées. Se han descrito cadenas anteriores, posteriores, cruzadas, directas. Donc nous, après, on va voir l'intérêt aussi des chaînes neuromusculaires par rapport à la régulation posturale. Nosotros vamos a mirar la importancia de las cadenas neuromusculares en relación con la regulación postural. Donc Mézières, c'est une kinésité un peu française, en fait, qui a mis en place une approche thérapeutique qui était différente des autres. Mézières, lo que hizo fue, era una fisioterapeuta francesa que desarrolló un enfoque terapéutico diferente a lo que ya había. Elle est partie du principe qu'effectivement, par rapport aux douleurs que vous pouvez avoir, plutôt que de travailler en fait sur le muscle, on essayait toujours de le renforcer. Il fallait peut-être voir les choses différemment, mais travailler plus sur des techniques en fait d'étirement et de relâchement musculaire. Ella lo que proponía es que cuando existía un dolor, más que ir a ver ese músculo, eso que estaba mal, lo importante era ir hacia la relajación y el estiramiento de los músculos que estaban en plazo. Donc c'est une technique encore pas mal utilisée en France par certains kinés. Et elle décrivait, elle, ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle décrit en fait une longue chaîne postérieure qui part du crâne, qui descend au pied en passant par l'arrière de l'individu. D'accord ? Donc vraiment cette chaîne qui passe tout l'arrière et qui a pour but en fait d'empêcher le sujet de tomber en avant. Lo que tenéis escrito, Messias lo que describió fue una gran cadena posterior que parte de la tête. Que parte desde la cabeza, sale desde la cabeza, llega hasta el pie y evita que nos podamos caer. Ella describió una gran cadena posterior, pero por el contrario, no a nivel anterior. Voilà, donc là, là cette chaîne postérieure qu'elle décrit, qui part de la base du crâne, qui descend le niveau, qui passe sur l'arrière du membre inférieur, qui passe sous le pied, qui en est même un petit peu en avant. Elle décrit une grande cadena posterior qui part de la cabeza, descend, llega hasta el pie, et remonte un poquito hasta debajo de la pierna. Donc, comment il faut visualiser en fait cette chaîne? C'est d'imaginer que tous les muscles qui se situent sur se paraît avoir tendance à travailler en synergie les uns avec les autres. Para ver cómo funciona esta cadena, tenéis que pensar que todos los músculos que se sitúan a lo largo de esta cadena trabajan en sinergia para conseguir lo mismo. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de lutter contre ces tensions qui peuvent exister qui vont générer plus de douleur. Entonces, lo que hay que hacer es luchar contra estas tensiones que puedan crear, que pueden crear dolor. Donc pour elle, en fait, ces tensions peuvent être à l'origine des déformations que l'on va avoir au niveau du rachis, leur dos, ces choses, ces choses. Par ailleurs, estas tensiones pueden provocar problemas que están descritos arriba. Elle avait bien compris, en disant l'œuvre des pattes assez paraposantes, mais pas davantage par sa propre force, que les douleurs que l'on pouvait avoir ici, les tensions que l'on pouvait avoir, n'étaient pas la conséquence en fait d'un problème d'équilibre, mais parce que on mettait trop de tonus. Estamos en el segundo párrafo en el que se ha descrito. Ella lo que describió fue que la persona. Si ça fait mal, c'est pas la pesantelle. Sí, que no es un problema debido a la gravedad. Mais plus parce qu'il y a trop de tonus au niveau musculaire, il y a trop de tension. Sino que a la vez demasiada tensión muscular. Une autre phrase aussi qu'elle a dit, tous les squelettes au cimetière se ressemblent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand on prend les gens avec des déformations, si tomamos a una persona con una deformación, déformation hipomachidienne, si on enlève tous les muscles et les ligaments, si quitamos todos los músculos y ligamentos, et ben on se rend compte que le rachis reprend une forme normale. Veremos que esa persona con una deformación, cuando le quitamos los músculos y los ligamentos, su raquis vuelve a adoptar una posición normal. Donc, ce qui veut dire que toutes les déformations qu'on peut avoir au niveau rachidien sont la conséquence de tensions musculaires. Entonces, esto significa que todas las tensiones que podamos tener a nivel raquídeo, deformaciones, son, todas las deformaciones a nivel raquídeo son debidas a tensiones musculo-ligamentos. Et donc ça va très bien avec ce que nous faisons nous en cabinet. Donc, esto nos va muy bien para lo que hacemos en consulta. Voilà, ça explique pourquoi on a des résultats qui sont très intéressants sur les rachialgies. Por eso tenemos resultados muy interesantes en la rachialgia. Même chez les personnes qui ont des grosses déformations au niveau rachidien. Incluso con personas que tienen grandes deformaciones a nivel raquídeo. Donc quand on dit on a mal au dos à cause de l'arthrose, c'est faux. Entonces cuando te digan no tienes dolor de espalda a causa de la artrosis, eso es falso. On a mal au dos parce que on a des muscles qui sont forts. Tenemos dolor de espalda porque tenemos músculos que tiran demasiado fuerte. Voilà, ça c'est d'autres chaînes qui ont été décrites, vous voyez, on est encore sur d'autres types de chaînes neuromusculaires. Estos son otro tipo de cadenas que han sido descritas. Des chaînes neuromédiales, des chaînes neuromédiales. Voilà, ça c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a différentes descriptions de chaînes neuromusculaires qui ont été faites. Esto es para que veáis que han sido descritas diferentes cadenas neuromusculares. Ok. Alors maintenant, si nous on revient sur cette carte, ce qu'on nous connaît. Si, volvemos hacia lo que vosotros ya conocéis, que sabéis hacer. Donc ça, c'est une expérience qui a été faite par Ron. Si on a une formation au niveau des fondations. Esta es una experiencia que hizo Ron, que es que cuando estimulamos el tendón de Aquiles. Donc c'est un principe de vibration, avec une fréquence de 80 Hz, avec une amplitude de 2 à 5 dizaines de millimètres. Con una frecuencia y amplitud determinada. Donc là, dans ces cas-là, on va pouvoir activer les terminaisons au niveau des fibres musculaires qui sont au niveau du cœur. Eso lo que va a hacer es estimular las terminaciones dinámicas de los pulsos neuromusculares. Et donc cette vibration au niveau du tendon d'Achille est interprétée comme, par le cerveau comme étant une extension en fait du tendon. Y esta vibración sobre el tendón de Aquiles va a ser interpretada a nivel del cerebro como una activación de los extensores. D'accord, donc l'extension du tendon, ça veut dire extension du tríceps sur un. Extensión del tendón significa que es una extensión del tríceps oral. D'accord, et quand on est en position debout, dans quelle situation on va avoir le tríceps qui va se tendre? c'est quand on part au déséquilibre intérieur. Y cuando tenemos una activación de esta musculatura en posición bípeda, es cuando se produce una persona que se tira hacia adelante. En ese momento se estira ese músculo. Donc, pour le cerveau, on reçoit l'information comme qu'on est en déséquilibre intérieur, donc il va commander en fait, la contraction du mollet. Por lo tanto, el cerebro recibe la información de que la persona se ha desequilibrado hacia adelante y emite una respuesta para que se contraiga el gemelo. Donc, cette contraction pourra attraper en fait, la posture. Entonces, es una activación muscular para devolver. Rattraper la posture, c'est rééquilibrarse. C'est-à-dire que le cerveau a l'impression qu'on tombe en avant, donc il va dire qu'on se rattrape, on va partir en arrière. Entonces, el cerebro tiene la impresión de que la persona se cae hacia adelante, le hace activar la musculatura para devolverle a su equilibrio. Donc, c'est pour ça en fait, que le patient va reculer. Por lo tanto, el paciente se va a ir para atrás, va a recular. ¿Has entendido? Sí, pero ¿por qué se va hacia atrás? Entonces, voy a explicarte. Elle n'a pas compris. Je l'ai dit quand tu l'as dit. Je répète ce que tu as dit. Alors, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Hay que entender dos cosas. Déjà, quand on vibre un tendon, cuando vibramos un tendón, pour le cerveau, c'est comme si on était réveillé. Para el cerebro, interpreta que has estirado el músculo. Maintenant, si je suis en position de pied. Entonces, si yo estoy en posición de pied. Alors, la seule situation qui amène à ce que j'ai les mollets qui soient étirés, c'est quand je pars en avant. La única situación en posición bípeda que provoca este estiramiento es que yo me vaya hacia adelante. D'accord. Sí. Donc maintenant, si je fais des vibrations au niveau du tendon. Sí, entonces, si yo vibro a nivel del tendón. Donc mon cerveau a l'impression en fait que mon mollet est en train de s'étirer. Mi cerebro va a entender que mi tríceps va a estar estirándose. Donc, si mon mollet est en train de s'étirer, c'est-à-dire que mon cerveau a l'impression que je suis en train de partir en avant. Por lo tanto, si está estirándose, mi cerebro interpreta de que se está tirando hacia adelante la persona. Donc là, c'est la tension de fond, je ne vais pas. Por lo tanto, es, ay, me voy a caer. Entonces, hago la reacción contraria. Donc c'est pour ça que je vais partir en arrière. Es por eso que la persona cuando le vibran a este nivel se va a quedar atrás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Donc après, ça va dépendre aussi du contexte extérieur. Esto va a depender del contexto exterior. C'est-à-dire que cette même expérience là qu'on a fait ici. Entonces, con este mismo experimento que han hecho aquí. D'accord. Dans la situation où le patient est bloqué au niveau du dos et qu'il ne peut pas bouger. Cuando la persona está bloqueada a nivel de la espalda y no puede irse hacia atrás, está bloqueado. D'accord. Ben, comme mon patient est bloqué, si je fais la vibration au niveau du tendon d'Achille, ce qu'on a fait tout à l'heure. Si volvemos a repetir el mismo experimento de vibrar a nivel del tendón de Aquiles. El paciente va a tener la sensación de que se va hacia adelante. Ce que l'on avait ici, l'impression de partir en avant, sauf qu'on avait un mouvement de rattrapage. Aquí tenemos lo mismo, se provoca lo mismo, lo único es que como la persona no está bloqueada arriba, la persona tiene la sensación de volver, es que el rattrape es. De volver a su sitio, por eso se va hacia atrás. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Como se estimula, tiene la sensación de que se va hacia el cuerpo interpreta que se va hacia adelante. Por lo tanto, ella aquí se va para atrás. Y en la siguiente diapositiva, como le bloquean la parte posterior, su sensación es de que se va hacia adelante. Vemos el mismo experimento. C'est d'abord je sens que je pars en avant. Y ensuite, j'ai mon côté moteur, je me rattrape. Se pone en marcha el aspecto sensitivo, que es que yo me voy hacia adelante. Por lo tanto, reacciona la parte motora, que es yo activo la musculatura para volver a mi posición inicial, entonces me voy para atrás. Donc, comme là, il n'est pas bloqué, là, je peux exprimer mon côté moteur, je me rattrape. Como aquí no está bloqueado detrás, puede experimentar su acción motora refleja que es, yo me voy hacia detrás. Et comme là il est bloqué, bah, et puis, quand on sera bloqueado, côté moteur, je ne peux pas l'exprimer, je suis sur le côté sensitif, je vais de toute façon partir en avant. Entonces, en este experimento, el aspecto motor está bloqueado, por tanto, solo puede experimentar la parte sensitiva. Es por eso que siente que va a quedar. Par contre, si mon patient a les yeux ouverts, el primer experimento se hizo con los ojos cerrados. Si el paciente ahora tiene los ojos abiertos, d'accord, et qu'on fait la même vibration, y se le hace la misma vibración, et bien le patient va juste sentir que c'est en fait que ça vibre au niveau de ses tendons. El paciente va a notar que hay una vibración a nivel del tendón, pero no hay ninguna sensación de exhalo ni. Il n'a pas l'impression de partir en avant. Pourquoi? Parce que l'œil envoie des informations en disant c'est bon, tu vas bien, rien ne bouge. No va a haber ninguna ilusión de movimiento porque el ojo le da la información de que no hay movimiento. D'accord, donc ça veut dire qu'en fonction des capteurs que l'on a qui sont activés, on va gérer l'information du mouvement. Si tenemos capteurs qui sont activés, la información va a ser gestionada de una manera ou de otra. De los factores que estén activados. D'accord, mais si on fait la même expérience chez ce sujet qui va être. Donc, même expérience avec un sujet assis. Donc, les pieds ne sont pas en contact avec le sol. Les yeux sont fermés. Si je viens faire une vibration en fait, au niveau des tendons d'Achille, si hacemos una vibración a nivel del tendón Aquiles, et ben, le patient va avoir l'impression en fait, de savoir ses pieds qui font une flexion dorsale. El paciente va a tener la impresión de que su pie hace una flexión dorsale. C'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'on avait tout à l'heure avec l'impression en fait, d'avoir une expansion au niveau du triceps. Es como la primera que tiene la impresión de que el tríceps hace una extensión. Sauf que quand mon patient est debout, qui reçoit des informations au niveau de la plante du pied, disons je suis en contact avec le sol. En este caso, el paciente está de pie y puede sentir el suelo debajo de sus pies. Et que j'envoie des informations à mon cerveau comme quoi j'ai mon mollet qui est en train de s'étirer. Et que j'envoie des informations au cerveau comme quoi le mollet s'étire. Ah, cuando mando al cerebro información como que los gemelos estiran. Donc la seule situation en position de poète le mollet qui s'étire, c'est j'ai tout mon corps qui part en avant. Como la única situación que el cerebro interpreta que los gemelos estiran es cuando yo me voy para adelante. D'accord. Par contre, quand je suis en position assis et que je viens faire des vibrations au niveau de mon temps de la chaîne. Cuando estoy sentado y hacemos vibraciones a nivel de mi tendón Aquiles. La seule explication que peut avoir le cerveau, là, dans ces cas-là, c'est pas je pars en avant puis je suis assis. El cerebro no entiende que me voy para adelante porque estoy sentado. Mais plutôt, j'ai une flexion dorsale au niveau des pieds. Pourquoi ça tire au niveau des mains. La única explicación que entiende el cerebro es que ya tiene una flexión dorsal. C'est pour ça qu'il y a l'illusion d'avoir un point de pied. Y por eso tiene la ilusión de que el pie se está flexionando. Sí. Pas de questions? Preguntas? Non. Autre question. Donc, on était toujours sur cette réaction posturale. Donc, il faut voir aussi que cet équilibre en postural. Estamos hablando de esta reacción postural. L'équilibre postural. L'équilibre postural. Voilà. Dépend de différentes positions. Depende de diferentes condiciones. Donc, si on peut en fait améliorer l'équilibre grâce à un repère visuel, par exemple. Podemos mejorar el equilibrio gracias a una referencia visual. Alors, c'est ce qui va se passer si par exemple vous êtes sur le pont d'un bateau et que ça bouge. Si, por ejemplo, estamos en un barco y esto se está moviendo. Vous arriverez à mieux gérer votre équilibre si vous prenez un point fixe. Os vais a equilibrar mejor si es un punto de referencia visual fijo. D'accord, donc c'est ce qu'on a ici, c'est la première situation. Ahí estamos en esta primera situación. Donc le repère visuel est au sol. La referencia visual está en el suelo. D'accord, et donc le patient va regarder son repère visuel. Le patrick de Barbillard, c'est la référence visuelle du sol. Donc en fait, en gros, c'est comme s'il alignait son index sur un point situé au sol. C'est pour ça qu'on a cette position-là. Esta... Index. Tu vois, c'est comme si. Si, está colocando el índice, como si. Voilà. Mirando la referencia del suelo. C'est ça, j'ai mis un index sur la croix qui est ici, maintenant on va faire comme ça. Colocamos sur el índice, y más o menos lo estamos mirando que caiga en el suelo. Et là, dans ces cas-là, si on prend un repère visuel qui est au sol, on améliore en fait la stabilité globale. Y con esto, con este punto de referencia visual, estamos mejorando la estabilidad general. Alors, on peut aussi améliorer la stabilité en ayant quelque chose dans la main. También podemos mejorar la estabilidad cogiendo algo en la mano. Donc, ça vous explique pourquoi les personnes âgées se sentent mieux avec une canne. Y esto explica por qué la gente mayor se suele sentir mejor con une canne. Oui, ils vont vous dire, bon, en fait, j'ai l'impression d'être plus en équilibre avec ma canne, alors que je marche sans trop appuyer dessus. Tienen la impresión de ir mucho más estables con el bastón, aunque no lo usan realmente para apoyarse. Donc en fait, la canne ne sert pas à s'appuyer pour marcher, elle sert juste en fait à donner un troisième repère qui va permettre d'améliorer en fait l'équilibre. Este bastón no le sirve para apoyarse en él, pero sí que le sirve como una referencia para poder equilibrarse mejor. Et puis on peut avoir aussi une amélioration de la posture de l'équilibre en imaginant un repère. Y también lo que podemos hacer es mejorar nuestro equilibrio, nuestra postura, imaginándonos una referencia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œil peut améliorer la stabilité. ¿Esto qué significa? Esto significa que el ojo nos ayuda a estabilizarnos. Ok, la proprioception. Donc là, on est en fait sur le contact avec la main, sur quelque chose qui peut améliorer aussi la stabilité. La proprioception, el tener algo en la mano, también puede ayudar a estabilizarnos y al equilibrio. Et puis, le côté imaginaire, on est aussi là sur le côté en fait émotionnel. Y también el aspecto imaginario nos puede ayudar en esto, sería el aspecto emocional. Alors, c'est pourquoi une personne âgée qui est tombée. Por esto, una persona mayor que se haya caído et qui a de nouveau peur de tomber y que tenga miedo de volver a caerse, n'arrive plus à tenir le coup. No le cuesta estar de pie, o no llega a estar otra vez. Voilà. Alors que tout marche bien. Elle pourrait, elle a assez de force, elle a assez d'équilibre, mais l'anxiété va en fait majorer les équilibres. Aunque ella sea capaz, aunque ella puede ponerse realmente de pie, la ansiedad es la que no le está dejando. On a peur de tomber, c'est la même. Entonces, si tenemos miedo de real de caer, ¿no? Por eso nos vamos a caer. Donc là, bah, pareil, une expérience qui a été faite, donc un patient qui est debout. Alors, esta es una experiencia que se hizo, aquí tenemos una persona que está de pie. D'accord, donc on lui demande de mettre la main en fait en appui sur un mur. Le decimos que apoye la mano sobre un muro. Donc là, on fait quoi? Bon, en fait, on donne un repère sensoriel. Le damos una referencia sensorial. Donc c'est la main qui va être le repère sensoriel. La mano que va ser la referencia sensorial. Alors, le patient, il a les yeux fermés, bien sûr. El paciente está con los ojos cerrados. Donc s'il a la main avec les doigts qui sont orientés vers l'avant. Si colocamos la mano con los dedos que se orientan hacia adelante. Il faut bien faire une vibration en fait au niveau des tendons fléchisseurs du poignet. Y si hacemos una vibración a nivel de los tendones flexores del puño. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure, vibration s'interprétait comme un étirement. Y lo que hemos dicho antes, que una vibración se entiende por el cerebro como un estiramiento. Donc là, le cerveau a l'impression en fait qu'on a un étirement qui se fait au niveau du poignet. Donc ça veut dire qu'il y a une flexion dorsale qui est en train de se faire au niveau du poignet. Entonces el cerebro está interpretando que estamos haciendo una flexión dorsal a nivel del puño. Donc c'est pour ça qu'il a l'impression de partir vers l'avant. Y por eso tiene la impresión de que se va para adelante. Ok. Maintenant, si on oriente les doigts vers l'arrière. Pero si orientamos los dedos hacia atrás. Y cuando hacemos la vibración en el mismo endroit. Y hacemos la vibración en el mismo sitio. Ahí va a haber la impresión de partir para adelante. Tiene la impresión de irse hacia atrás. Sí, pero ¿hay desplazamiento del cuerpo o es la sensación? La sensación. Es la sensación. Thank you. Okay. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on vient faire des vibrations au niveau en fait, d'un tendon, on a un effet moteur et on a un effet perceptif. Alors, estamos diciendo que si realizamos una vibración a nivel del tendón, tenemos un efecto motor y también tenemos un efecto perceptivo. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec la vibration au niveau du tendon d'Achille, d'ailleurs chez le patient qui est debout, chez le patient qui est debout et qui est en même temps tenu. Es lo que acabamos de ver, es que realizamos una vibración a nivel del tendón de Aquiles en un paciente que está de pie y no está bloqueado y en un paciente que está de pie pero bloqueado. Donc l'effet perceptif anticipe en fait l'effet moteur. El efecto perceptivo anticipa, de hecho, el efecto motor. C'est parce que j'ai l'impression d'être en déséquilibre que je vais me rattraper. No es por el hecho de tener la impresión de que estoy en desequilibrio que me voy a devolver. ¿Qué he dicho, Mario? Sí. Ha dicho que no, ¿verdad? Pero yo he dicho que no. La persona tiene la impresión de que se está desequilibrando para adelante y entonces es por eso que se va. Alors là, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'on a deux types de postures, ce qu'on appelle une posture régulée et une posture ordonnancée. Hay que tener en cuenta que tenemos dos tipos de postura, postura regulada y postura orientada. Alors ce qu'on a vu là, là on est dans la notion de posture régulée. Aquí estamos en una noción de postura regulada. Régulé, c'est quoi? C'est je régule en fait mon équilibre postural en permanence. Regulada, ¿qué es? Regulada es que yo estoy regulando mi postura permanente. C'est parce que je veux avoir mon centre de gravité qui se promène sur une surface de 20 cm carré pour que je régule en permanence ma posture. Es por el hecho de que el centro de gravedad esté moviéndose en un centímetro cuadrado que yo también me voy a estar. D'accord, mais plus la régulation va être rapide, et plus elle sera efficace. La régulation va être rapide et efficace. Donc ça veut dire que dès que je vais avoir une moindre variation en fait, d'étirement au niveau du pied et au niveau du moment inférieur, et dès que j'ai le moindre étirement en fait, au niveau du pied et du moment inférieur, cuanto menos estiramiento tenga a nivel del miembro interior. D'accord, ça c'est interprété en fait par le cerveau comme un déséquilibre de l'ensemble du corps. C'est le cerveau qui. Ah, et vale, dicho con la mano. El mínimo estiramiento que pueda existir a nivel de los miembros inferiores se va a interpretar por el cerebro como un desequilibrio. D'accord, donc à partir du moment où je change d'équilibre, ça veut dire que je vais avoir un rattrapage immédiat pour essayer de me ramener. Entonces, en el momento que yo me sienta desequilibrada, me voy a reequilibrar y volver al sitio donde estaba. No he entendido eso. Lo que has dicho antes. Sí, lo de cuanto menos. No, es que me he liado yo primero. Que el mínimo estiramiento a nivel del miembro inferior de los músculos, el cerebro lo va a interpretar como un desequilibrio. Pero en ese caso de. ¿Que se está estimulando o en general? En general. Sí. O sea, un relaxo. No es que lo relaxa como si lo podemos saber. Es más, si la muerte es una más clásica o la más explosiva, el desenfoque de los tres o el. Il va arriver à l'interpréter comme un déséquilibre parce que le cerveau, en fait, le cerveau en permanence va gérer différentes informations de différents capteurs. Le cerveau, lo que va estar es todo el rato, va llegar informaciones de muchos. D'accord. Donc, il utilise les informations qui sont données par les yeux. Va utiliser les informations qui lui viennent de ses ojos. D'accord. L'avantage de l'œil, c'est, enfin, l'inconvénient de l'œil, c'est qu'il n'est pas très fiable. La cosa del ojo es que no es muy fiable. D'accord, il n'est pas très fiable sur le petit mouvement. No es muy fiable, sobre todo con los pequeños movimientos. Ok. il va utiliser en fait tout ce qu'on appelle la proprioception. Donc là, c'est, il va utiliser l'étirement au niveau des muscles, donc ce qu'on appelle la proprioception. Va utiliser lo que llamamos proprioception, qui est el estiramiento de los músculos. Il va utiliser les variations de pression au niveau de la conjonction. Et también va utiliser la variation de la pression au niveau de la planta del pie. D'accord, donc il va mixer tout ça, il va essayer de tirer des informations. Alors, c'est au niveau musculaire, c'est au niveau ligamentaire, c'est au niveau capsulaire. D'accord. Au niveau des expériences de rôle, eux, ils ont travaillé sur le muscle, ce qui était plus facile à atteindre. En las experiencias de rol que estamos viendo aquí, trabajaron a nivel muscular, porque es más fácil. D'accord. Donc au niveau du muscle, si on agit au niveau des fusions neuromusculaires. Si, à niveau de los músculos, estamos à niveau de los fusions neuromusculaires. D'accord, on peut modifier en fait la régulation posturale. Podemos modificar la régulation posturale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la posture régulée, ce qu'on appelle la posture régulée. Hay que entender bien que lo que llamamos la postura regulada. D'accord, et en lien avec les informations qui sont envoyées par la partie basse, en fait, par le pied. Está regulada por la información que le llega por la parte baja. Por el abdomen. Ce qu'on appelle la posture orientée. Y lo que llamamos la postura orientada. D'accord. Elle est plus en lien avec ce qui se passe au niveau de la tête. Está más relacionada con lo que está pasando a nivel de la cabeza. D'accord. Pourquoi? Parce que la tête, vous en faites toujours le niveau de la tête. La cabeza va a ir hacia donde nosotros queremos ir. La tête, c'est-à-dire que si vous voulez aller à droite, maintenant vous êtes en train de marcher, vous voulez aller à droite, vous allez tourner la tête à droite pour regarder où vous voulez aller. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ir hacia la derecha, vamos a girar primero la cabeza para ir hacia la derecha. Oui. Okay. Par contre, toutes les informations qui sont envoyées par là, je dis attention, je suis en train de tomber, et donc dans ces cas-là, je rate. Entonces, en este caso, todas las informaciones de este caso nos van a decir, cuidado, que te vas a ir para adelante, entonces tienes que regular para no caerte para adelante. D'accord. Donc, maintenant, si on revient sur l'expérience, si j'étire mon triceps, si vamos a la experiencia, si estiro mi tríceps, c'est parce que je pars en avant. Donc pour me rattraper, je vais partir en arrière. Je recule en fait la posture. Donc c'est pour ça que quand je vibre ici, mon patient part en arrière. Entonces, cuando en este caso vibramos en este nivel, el paciente se va para atrás. Ça c'est clair. Esto está claro. Que ce soit clair pour cette notion-là. Maintenant, si on vient au niveau de la tête. Si je vibre les muscles du dos postérieur. Si vibramos los músculos posteriores del cuello. D'accord, donc c'est comme si je les étirais. Es como si los estiráramos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma tête est en train de partir en avant. C'est comme ça que l'interprète le cerveau. Lo que interpreta el cerebro es que mi cabeza se está cayendo para adelante. D'accord, donc si ma tête va en avant, ben, je vais aller voir ce qui se passe. Donc je vais partir en avant. Entonces si yo bajo la cabeza para adelante. Esto significa que queremos ver lo que está pasando allá. Donc ma tête oriente le reste de mon corps. Entonces, la cabeza orienta el resto del cuerpo. Donc là, c'est ce qu'on appelle la posture orientée. Y esto es lo que llamamos la postura orientada. D'accord. La tête oriente, le pied régule. La cabeza orienta, el pie regula. Tu regardes toujours là où tu marches. Vas à regarder siempre hacia donde tú quieres. Tu regardes toujours là où tu vas. Entre los ojos y los pies para la coordinación. ¿De acuerdo? revient sur cette expérience. Donc on a un sujet, il a en fait des petits capteurs qui sont en dessous des yeux. Este sujeto tiene unos captores que están por debajo de los ojos. Alors son petit capteur de Pafa. Ça doit faire vibrer en fait le muscle en dessous qu'on appelle les points inférieurs. Tenemos pequeños captores ahí que van a hacer vibrar los rectos inferiores. Donc, vibration au niveau des points inférieurs, c'est interprété comme un étirement en fait, au niveau des muscles. Toujours pareil. Donc, cette vibration en los rectos inferiores del ojo se va interpretar comme un estiramiento de sus muscles. D'accord. Donc, dans quelle situation j'ai mes muscles points inférieurs qui sont étirés? C'est quand j'ai les yeux qui regardent vers le haut. Quand se estiran estos músculos, se estiran quand je suis mirando para arriba. D'accord. Donc, si j'ai les yeux qui regardent vers le haut, en gros, c'est je veux voir ce qui se passe en haut. Si estoy mirando con los ojos hacia arriba, se supone que yo quiero mirar lo que está pasando ahí arriba. Entonces yo me voy para atrás para ver lo que está pasando ahí arriba. Ce que j'avais tout à l'heure avec la tête, peut-être en extension, ça peut partir en arrière. Esto tiene que ver con la cabeza en extensión me va a hacer irme para atrás. Et bien les yeux, c'est pareil, si les yeux montent, c'est comme si j'avais la tête en extension et ça me remonte en fait la posture que je perds. Si los ojos suben, es como si subiera la cabeza también. D'accord. Pareil maintenant si je fais l'expérience inverse, d'accord, je fais la vibration en haut. Si hacemos la experiencia inversa, pues colocamos los vibradores arriba. Les droits supérieurs, c'est interprété. Voilà, c'est interprété comme une descente des yeux. Donc en gros, je regarde ce qui se passe en bas, voilà, c'est que je peux voir ce qui se passe en bas. D'accord. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la posture orientée. Là on parlait juste des muscles mycos. Mais ça concerne aussi. Donc en fait, l'orientation est vraiment c'est l'ensemble de la tête. Pero esto también llega al ojo, porque la orientación en general es sobre todo la cabeza. On a une synergie, de toute façon, c'est assez logique à comprendre. On a des branchements qui se font entre l'œil et la nuque. Tenemos sinergias, c'est muy lógico, entre el ojo y el cuello. Puisque en fait, la position de l'œil et la position de la tête sont très fortement liées. Porque la posición de los ojos y la posición de la cabeza están unidos muy fuertemente. D'accord, donc si on vient faire avec une expérience, donc on a vu en haut, en bas, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais pareil, si on fait des vibrations sur les muscles latéraux, là pareil, on a aussi des déplacements de l'ensemble du corps à droite ou à gauche. Dans cette expérience, podemos ver que hemos hecho con los vibradores arriba y abajo, pero también lo podemos hacer a nivel interior y exterior de l'ojo. D'accord, là on est point externe, point interne à droite, c'est comme si le. Là, on avait le regard qui allait vers la gauche, donc comme si les yeux partaient vers la gauche. Et donc, en ce cas, nous allons vibrando le reflecteur extérieur, le reflecteur intérieur, le lado derecho, c'est comme si les yeux quisieran mirer vers la gauche. Donc, c'est pour ça qu'on a un patient, en fait, on a une posture globale qui s'en vient vers la gauche. Et donc, tenemos un paciente que su postura global se va hacia la izquierda. Et là, c'est l'inverse, c'est comme si on regardait à droite, donc on a une déviation du corps vers la droite. Y en el otro es como si quisiéramos mirar a la derecha y tenemos una desviación global también hacia la derecha de la postura. Sí, eso es algo que había dicho a los pájaros que mirar a la derecha y no mirar a la derecha. Si la derecha es tu lado que pasa a la derecha. Non, c'est pas de la simulation. Si je vibre, c'est comme si j'étirais. Donc si je vibre, le cerveau a l'impression qu'en fait les yeux partent à gauche. Non, c'est une simulation. Lo que hago es vibrar los músculos. Vibrar los músculos se interpreta comme si fuera un estiramiento. Y ese estiramiento, si tú estás mirando hacia la izquierda, es como si estiraras la parte derecha. Estoy mirando hacia arriba. Pour soit, parce que je dois toujours avoir mon repère sur l'horizon, quel que soit le principe global de mon corps. Porque ahí está la relación directa, porque por mucho que sea, o sea, por mucho que cambie mi posición, la mirada tiene que mantenerse horizontal. Como si yo doy las informaciones sobre la posición global de mi cuerpo, que es la relación que el objeto sube. Sí, de los objetos entre las extensiones de cheville. Lo que nos va a dar la noción de posición cuando estoy de pie va a ser el estiramiento de los flexores o los extensores. ¿Está claro esto? Pero a nivel de ojos no ocurre nada, es todo perceptivo, ¿no? Sí, ya de... no ocurre nada. Para Sebastián, sobre los ojos, sé la percepción, el dolor. Solo la percepción. Alors, en fait, c'est une notion de perception vraiment au niveau de l'œil. Es sobre todo una a nivel de percepción, a nivel del ojo. Parce que si, en fait, l'expérience précise, c'est que, en fait, le patient a devant lui un cache avec juste un petit point, mais la source lumineuse qui est derrière. La experiencia es que la persona ve un punto, un cache, una capa. Una placa con un boquete y detrás está la luz. Eso. D'accord. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, pour pouvoir voir le point lumineux, il faut pouvoir avoir l'œil qui est en face en fait, de la perforation. Eso significa que el ojo tiene que estar enfocando hacia ese agujerito que tenemos en la pared. Oui. D'accord. Et donc, cette notion de déplacement, d'impression de déplacement de ce point lumineux, en fait, c'est une impression de déplacement qui se fait sur la rétine. Y esta impresión de desplazamiento del blanco es una impresión que se hace a nivel de la retina. D'accord, donc c'est une impression sensorielle. Es una impresión sensorial. Mais cette impression sensorielle est corrélée aussi avec ce qu'on observe au niveau des mouvements de l'œil, au niveau de l'oculomotricité. Pero esta percepción sensorial está unido a lo que pasa a nivel de los músculos de l'œil. L'oculomotricité est programmée pour que l'œil reste toujours calé en fait sur l'horizon, quelle que soit la position de l'œil. Y esta programación de los oculomotores está relacionada con lo que estamos viendo. Donc pareil, si la vibration se fait au niveau du solaire, sinon, si on a une vibration au niveau du sol, donc on a une impression de déséquilibre antérieur. Si on a une impression de déséquilibre antérieur. D'accord, donc dans ces cas-là, déséquilibre antérieur, il devra monter pour conserver l'horizontalité. Si on a un déséquilibre antérieur, il devra subir. Donc voilà. Impression du point lumineux qui descend. Et donc, on a une impression du point lumineux qui va. Et si on vient faire les vibrations de manière latérale au niveau des fibulaires, et si on fait des vibrations à niveau latéral dans les péroneos, dans ces cas-là, le point lumineux va se déplacer en biais. Ici, on a l'impression que le point lumineux se va se déplacer latéralement. Donc, toutes ces notions de synergie sont très importantes au niveau de la vie de tous les jours. Donc, il y a différentes études qui montrent les synergies que l'on peut observer entre les différentes parties du corps. Et ça, c'est une étude qui montre le lien qu'on peut avoir entre le pied et les yeux. Aquí es un estudio que demuestra la relación que hay entre los pies y el ojo. Voilà, donc on a des liens aussi entre la tête et le tronc, entre le tronc et les pieds. Enfin, il y a pas mal de synergies comme ça qui existent. Hay otros estudios que relacionan la cabeza con los pies, la cabeza y el tronco. Donc là, vous avez des intitulés d'études que vous pouvez aller voir en fait, sur Internet pour avoir plus de précision. Y ahí podéis ver dos estudios que podéis encontrar en Internet y están explicando precisamente. Donc, au niveau des capteurs, il y a ce qu'on appelle les endocapteurs. A niveau de los captores, están los que llamamos endocaptores. Donc les indicateurs pour envoyer des informations sur ce qui se passe à l'intérieur de la. D'accord, donc pour envoyer des informations sur ce qui se passe au niveau de la protection. Donc la position des différents segments les uns par rapport aux autres, les tensions qu'il peut y avoir au niveau ligamentaire, au niveau capsulaire, au niveau tendineux. Que podemos tener de la posición de los diferentes segmentos del cuerpo, el ángulo de tensiones musculares, ligamentarias, tendinosas. D'accord, y la visceroception, que es la sensibilidad visceral. Y la visceroception, que es la sensibilidad visceral. Donc, par rapport en fait, au mouvement, on a différents capteurs qui vont nous donner des informations sur le mouvement. Para el movimiento, hay diferentes captores que nos van a dar. D'accord, donc on a, comme je vous disais tout à l'heure, les capteurs au niveau ligamentaire. Tenemos los captores que nos vamos a encontrar a nivel ligamentario. Alors, les capteurs au niveau musculaire, donc là ça va plus être les fusions neuromusculaires. Los captores a nivel muscular, que van a ser los fusos neuromusculares. Et puis on a aussi toutes les informations qui viennent de la peau. Y tenemos también todas las informaciones que vienen de la piel. D'accord, donc tout ça, ça va être intégré au niveau du cerveau. Y todo esto se va a integrar a nivel cerebral. Alors, au niveau neuromusculaire, au niveau des synergies, en fait, elles suivent deux lois. A nivel de. La synergie musculaire. A nivel de las sinergias musculares, esto va a seguir una serie. ¿Os acordáis del examen? El Géminis, ¿eh? Ok. Donc, la loi de Sherrington qui dit que toute imprimeur de transmis à un muscle entraîne fait, la bande d'émission de l'antagoniste. Donc, cette loi, c'est quoi? Si vous voulez faire une flexion au niveau du coude, il faut qu'il y ait une contraction au niveau du biceps et un relâchement au niveau du triceps. Una contracción a nivel del bíceps y un relajamiento a nivel del tríceps, ¿vale? Son antagonistas. D'accord. Donc, deux muscles antagonistes vont travailler toujours ensemble par rapport à un mouvement. Ahora, dos músculos antagonistas van a trabajar conjunto para hacer el movimiento. Voilà, il y aura toujours un qui sera contracté et l'autre qui sera relâché. Uno que se va a contraer y el otro que se va a relajar. Ok. La deuxième loi, qui est la loi de Eric. Il nous dit que tout influx nerveux envoyé à un muscle est envoyé de façon identique à son agoniste. Et la ligne de Donc là, c'est quoi? Ben, c'est en fait, c'est, le principe, c'est quoi? C'est lorsque je vais faire un mouvement, une contraction, il va falloir que j'ai comment dire, une contraction qui soit équilibrée au niveau musculaire pour avoir quelque chose de cohérent dans le mouvement. Si vamos a hacer una contracción muscular, es importante que esta contracción sea equilibrada y sea coherente. Donc là, vous voyez, ce qu'on disait tout à l'heure, que les contractions isolées n'existent pas dans le corps. Esto que decíamos, que las contracciones musculares isoladas no existen en la naturaleza. Parce qu'on voit que finalement, par rapport à un mouvement type, on va avoir tous les muscles agonistes qui vont travailler de façon à peu près identique et les antagonistes qui vont être relâchés. Esto significa que los músculos agonistas van a trabajar de. Conjuntamente y los músculos antagonistas se van a hablar. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les muscles sont là effectivement pour faire le mouvement. Hay que tener en cuenta que los músculos son efectivamente para crear, pues están ahí para crear un movimiento. Mais ils n'ont pas que cette fonction-là, ils sont là aussi pour régulariser un mouvement. Pero también están ahí para regular un movimiento. Éventuellement pour offrir une résistance ou pour ralentir un mouvement. Están también para resistir un movimiento o para enlentecer un movimiento. D'accord, vous décalez le mouvement dans le temps ou bloquer un mouvement. O bloquear un movimiento también. Donc, arrêter le mouvement, ben ça c'est ce qu'on va retrouver dans les principales machines. Parar el movimiento es lo que vamos a encontrar principalmente cuando hay raquiátricos. Vous allez avoir un petit muscle paravertebral qui va être contracté, qui va bloquer le mouvement. Hay un pequeño músculo paravertebral que se va a contracturar para bloquear el movimiento. D'accord, et qui va faire mal. Voilà, et le patient lui va décrire ça comme avoir, comme s'il avait l'impression qu'une vertèbre était bloquée. En fait. Y el paciente lo que nos va a decir que tiene la impresión de que tiene una vértebra que está bloqueada. Alors qu'au niveau articulaire, tout va bien, c'est juste le côté musculaire, c'est juste le muscle en fait qui a déroulé. A nivel articular, todo va bien, pero justamente a nivel muscular, donde tenemos esta pequeña contractura. Voilà. Et donc bien avoir à l'esprit, c'est ce que disait Thomas, les muscles ne sont d'ailleurs que les petites escapes des centres nerveux qui commandent. Y lo que decía Thomas es que los musculos son más que los cerebros de los cerebros nerviosos. Voilà, donc ça vous allez voir, par rapport à la thérapie manuelle, on va beaucoup vous parler des nerfs. Y cuando vamos a la terapia manual, pues vamos a hablar mucho de los nervios. Parce que quand vous avez par exemple une contracture musculaire, porque cuando tenemos contracturas musculares, il n'est pas toujours intéressant d'aller travailler sur le muscle. No suele ser muy interesante trabajar sobre el músculo. Parce que quand on travaille sur le muscle, en fait, on est sur la sortie du système. Cuando estamos trabajando sobre el músculo, estamos trabajando a nivel de la salida del sistema. Y que si el músculo es contractado, en fait, toujours contracté en réponse à une stimulation. Y cuando los músculos permanecen contracturados, están contrayéndose como respuesta a un estímulo. Y vous allez voir que souvent, on trouve des perturbations neurales qui sont à l'origine, en fait, de contractions musculaires. Y muchas veces encontramos perturbaciones neurales que están en el origen de esas contracturas. Et pour lever un blocage, bah, des fois, vous allez travailler sur le nerf, tout travailler sur le muscle. Y muchas veces para descontracturar tenemos que trabajar más a nivel neural que a nivel muscular. Ok, donc nous, bah, nous sommes soumis à la gravité. Estamos sometidos a la gravedad. Donc ça veut dire qu'en position debout, on est en permanence sous les contres. On est en permanence sous les contres de la gravedad. Ah, oui, donc estamos de pie, estamos permanentemente luchando contra la gravedad. D'accord, donc ça c'est notre travail en fait, lorsqu'on est en position un peu sèche. En este trabajo, en la posición un peu sèche. D'accord, donc on va avoir des muscles qui vont nous aider à lutter contre la gravedad et nous repousser du sol. Ce sont les solaires qui donnent les sexes. Tenemos músculos que nos van a ayudar a levantarnos del suelo, a luchar contra la gravedad, que van a ser el suelo y el cuádriceps. Donc si on est sur une posture à peu près équilibrée, si estamos en una postura más o menos equilibrada, et qu'on fait un électromyogramme, on va se rendre compte que le muscle qui travaille le plus, ça va être le solaire. Vemos en un, si hacemos un electromyograma, que el músculo que más está trabajando es el suelo. Donc le solaire, en fait, il va être là pour réguler les oscillations posturales. O sea, que el solaire va estar ahí para regular las oscillaciones posturales. Alors, la plupart du temps, on se perd dans le plan, on s'agit pas de réguler les oscillations antéro-posturales. Y va a trabajar sobre todo en el plano sagital antéro-posterior. Si toutefois, donc par rapport aux muscles qui aident à la verticalisation, donc on a ce qu'on appelle les muscles toniques. Los músculos que nos van a ayudar a la verticalización, tenemos los músculos tónicos. Donc les muscles toniques vont plutôt être axiaux, d'orientation verticale. Tenemos músculos axiales. Oligo-articulaires, ça veut dire qu'ils vont passer au-delà de très peu d'articulations. Donc ce sont des muscles qui vont passer au-dessus d'une ou deux articulations grand maximum. Es oligoarticulares, son músculos que van a pasar, o sea, van a pasar sobre pocas articulaciones, una o dos. Y son músculos que van a estar profundos, que van a estar en contacto con el hueso. Y son músculos muy profundos que van a estar en contacto con el hueso. D'accord. Donc, ces muscles toniques sont un avantage et qui fatiguent très peu. Son, la ventaja que tienen estos músculos es que se van a cansar muy poquito. Ce sont les muscles, par exemple, qui tiennent votre colonne vertébrale droite. Son, por ejemplo, los músculos que mantienen vuestra columna vertebral. Donc, si on regarde un petit peu les oscillations qui sont en position orthostatique, si on regarde les oscillations que nous avons quand nous sommes en position orthostatique, donc on a surtout des oscillations, comme je disais tout à l'heure, antéro-postérieures. Tenemos las oscilaciones que acabamos de decir, que son las posteriores. Donc, l'axe de la rotation, en fait, ça va être la tal. Se rota a nivel de la cara lumbar. Et puis on va avoir des oscillations qui vont se faire dans le plan frontal. D'accord, et des oscillations qui vont se faire dans le plan horizontal qui sont rotatoires. Et se van a faire aussi des oscillations dans le plan horizontal qui sont rotatoires. Donc les oscillations latérales et rotatoires vont plutôt se faire au niveau de la supérieure. Donc antéro-postérieure, c'est la tibio-tarsienne. Las antero-posteriores se hacen en la tibio-tarsiana. Latérales et rotatoires, la subtalaire. Laterales y rotacionales en la subtalaire. OK. Donc, lorsqu'on est en position debout, comme je vous disais, le but, c'est de garder notre regard sur l'horizon. Quand nous sommes de pied, un de nos objectifs est de maintenir le regard horizontal. Donc, pour ce faire, bah, il y a une synergie qui va s'effectuer entre les muscles nouveaux, postérieurs. Hay una, para hacer esto, hay una sinergia que se va a efectuar entre los músculos de la nuca et le muscle, on va dire, le solaire. Y los músculos, vamos a decir, el solaire. ¿Ven? El solaire. Donc là, on est dans le plan sagittal. Aquí estamos en el plano sagittal. On est sur les oscillations antéro-postérieures. En los oscillaciones antéro-posteriores. D'accord. Donc, si je pars en avant. Si me voy para adelante. Ok, et que je garde mon regard sur l'horizon, je vais être obligé de redresser ma tête. Et mi yo hacia abajo, estoy obligado de positionner la cabeza. Ok, bon. Donc si on regarde maintenant au niveau angulaire, bon, on va se rendre compte que plus je vais étirer mon solaire. Entonces, si miramos a nivel ocular, sobre todo, bueno, cuanto más estire los músculos a nivel. Plus je vais étirer mon solaire, donc plus je vais faire de flexion dorsale au niveau du pied. D'accord, il va falloir que je compense au niveau de la tête. D'accord. Donc si on regarde au niveau des angles, l'angle de flexion dorsale au niveau de la tibio-tarsienne. El ángulo de flexión dorsal a nivel de la tibio-tarsiana posterior correspond à l'angle en fait de antérieur au niveau comment on dit ça, l'angle antérieur de flexion dorsale. Corresponde el ángulo posterior de la flexión. Cet angle-là et celui-là sont les mêmes, identiques. Corresponde identique. Con el ángulo que tenemos ahí de la flexión. Donc, plus je vais avoir de flexion dorsale au niveau du pied, plus je vais avoir en fait d'expansion au niveau de la tête. Cuanto más flexión dorsal del pie tengamos, más flexión dorsal vamos a más extensión de la cabeza vamos a tener. D'accord. Pour toujours avoir mon regard sur l'horizon et vice versa. C'est-à-dire que si je diminue ma flexion dorsale au niveau du pied, et bien je vais avoir ma tête qui va descendre. Je vais garder mon regard sur l'horizon. Y esto pasa de manera viceversa, cuanto menos presión los artes en el pie, pues menos ángulo voy a tener hasta el nivel del pie. Oui. Surtout qu'il n'hésite pas à dire, c'est ma femme. Et si c'est toi, c'est pas clair pour toi? Tu tenais que dire sur Instagram ou dire c'est l'autre, parce que sinon, il n'y a pas ça comme un diable. Sí, que lo repita otra vez. ¿No? Sí. Espera, no. Ok. Alors, on est vraiment sur cette notion d'horizontalité du regard. Tu parles là. Estamos en esta noción de horizontalidad de la mirada. Plus je vais partir en avant. Cuanto más me vaya yo para adelante. D'accord. Plus je vais. Alors, on va regarder ça. On va regarder ça. On va regarder ça. Plus je pars en avant, plus j'ai de la flexion dorsale en fait au niveau de mon pied. Cuanto más me vaya para adelante, más flexión dorsal hago del pie, y entonces más ángulo tenemos el pie. Más ángulo tenemos el pie. Posterior. D'accord, donc plus je pars en avant, plus je fais ça, et plus j'étire en fait mon solaire. Más estiro la zona del solaire. Plus j'étire mon solaire, okay. plus je vais être obligé de contracter mon muscle, donc on verra quel muscle c'est, mais les muscles postérieurs de la nuque pour redresser la cheville. Cuanto más estire mi psoriasis, más tengo que contracturar o contraer mi musculatura del cuello para volver a enderezar la cabeza. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Sí, en ambas, separado. Y al revés, es lo mismo. Oui. Alors maintenant, si on revient sur la notion d'équilibre. Y ahora si valoramos la noción de equilibrio. Donc, en physique, on va décrire l'équilibre d'un objet à partir du moment où on va dire que l'équilibre, à partir du moment où les forces qui sont là sont égales à zéro. La somme des forces est égale à zéro. En physique, on va dire que si c'est équilibre, quand la suma de las fuerzas est igual à zéro. Donc ça veut dire qu'un objet qui est en équilibre ne bouge pas. Eso significa que un objeto que está en equilibrio y no se mueve. D'accord, la bouteille que posée sur le table est en équilibre. La somme des forces qui s'exercent sur la bouteille est égale à zéro, donc la bouteille est parfaitement stable. Por ejemplo, la botella que está encima de la mesa, la suma de las fuerzas que se ejercen sobre la botella es igual a cero, entonces la botella está quieta y no se mueve. Donc ça c'est la définition d'équilibre en physique. Esto es la definición de equilibrio en física. Par contre, ce n'est pas la définition que nous on donne de l'équilibre en posturologie. Pero no es la definición que damos nosotros de equilibrio en posturología. Parce qu'on n'est pas, en fait, on n'est pas immobile en posturologie. Porque no estamos nunca inmóviles cuando estamos de pie. Non, on est soumis en fait à des oscillations perpétuelles. Estamos sometidos siempre a oscilaciones. Constantes. D'accord. Et plus les oscillations sont petites, et meilleur est notre équilibre. Cuanto menos, más pequeñas sean estas oscilaciones, se supone que nuestro equilibrio es mejor. Y donc, nous, ce qui va nous permettre de définir notre équilibre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette course que l'on va avoir entre le centre de gravité et le centre de pression de l'âme. Lo que va a definir nuestro equilibrio es este desplazamiento que va a tener el centro de presiones y el centro de gravedad. Voilà. Donc là, si on a cette course, notre centre de pression caudale et notre centre de gravité qui sont très proches, en fait, on est dans un équilibre postural. Si, notre centre de gravité et notre centre de pression, la distance qu'ils ont est plus petite, quand on va tenir un équilibre. Et si on revient sur les notions d'équilibre basique telles que ça nous était enseigné avant, on disait qu'on était en équilibre à partir du moment où on avait notre centre de gravité qui était dans le polygone de sustentation. Y lo que hemos dicho antes, que vamos a estar equilibrados mientras este centro de gravedad se mantenga en el polígono de sustentación. Donc ça c'est la définition initiale de l'équilibre, mais c'est une définition qui est très grotesque. Esto es la definición del equilibrio, pero es una definición muy grotesca. Alors c'est vrai que vous tenez en équilibre sur vos pieds à partir du moment où vous avez votre centre de gravité qui est dans le polygone de sustentation. Es verdad que para lograr estar en equilibrio cuando el centro de gravedad tenga un polígono de sustentación. Alors, si le centre de gravité sort du polygone de sustentation, ce que je suis en train de faire, après, il y aura toujours un rattrapage. Si el centro de gravedad sale del polígono de sustentación, nosotros vamos a movernos para volver a rattraparlo. D'accord. Ça c'est la notion d'équilibre. Ok. Et maintenant, si là je suis en équilibre, et je me sens de gravité qui est toujours au polygone de sustentation, maintenant je ne suis pas stable. Pero, por ejemplo, en este caso, su centro de gravedad no sale de ese polígono de sustentación, pero se está moviendo mucho y no es estable. D'accord, c'est vraiment deux notions à différencier. Son dos nociones que hay que diferenciar. Et c'est vrai que nous, sur le côté postural, on va vraiment travailler sur cette stabilité, faire en sorte qu'on soit en fait dans un équilibre qui demande très peu d'énergie. Y nosotros a nivel postural vamos a trabajar sobre este equilibrio y vamos a intentar que gaste la menor energía posible. D'accord. La position debout statique doit être une position confortable. Tiene la posición de pie estática tiene que ser una posición cómoda. Donc on a deux types de muscles, on a vu tout à l'heure les muscles toniques. Par opposition, on a des muscles faciles. Tenemos los músculos tónicos que hemos visto antes, pero también tenemos los músculos fásicos. Donc, ce sont des muscles qui peuvent permettre le mouvement. Son los músculos que nos van a permitir el movimiento. D'accord, donc eux sont des muscles par contre qui sont fatigables, contrairement aux muscles toniques. Pero son músculos que se cansan, contrariamente a los músculos tónicos. Et donc, au niveau de leur situation, ils vont plutôt être latéraux. À nivel de situación, son más bien laterales. Latéraux et plus centraux, comme étaient les tenues tout à l'heure. Los músculos tónicos sean centrales, estos son más laterales. Ils vont être obliques dans l'orientation, alors que les tenues qu'on a vues, ils avaient dans l'orientation verticale. Los músculos básicos van a ser oblicuos, así como los músculos tónicos, hemos dicho que tienen una orientación vertical. Ils sont polyarticulaires, donc ils vont passer au-dessus de beaucoup d'articulations, alors qu'on a vu que les toniques étaient oligo-articulaires. Son polyarticulares, son músculos que van a pasar por diferentes articulaciones, mientras que hemos dicho que los músculos tónicos son oligo-articulares, pasan por pocas articulaciones. Voilà, et puis ils vont être superficiels, d'accord, donc beaucoup plus proches de la peau, contrairement aux toniques qui étaient profonds et beaucoup plus en contact avec l'os. Les músculos superficiales. Hemos dicho antes que los músculos tónicos serán también profundos. Alors, cette notion de préparation à l'action est très intéressante et très importante pour nous. Esta noción de preparación a la acción es súper interesante y c'est-à-dire qu'au niveau d'un patron posturant, on va plutôt agir sur ces mouvements de préparation à l'action. Quand nous estemos tratando, los pacientes, estamos actuando sobre esta preparación à l'action. Par exemple, lorsque vous êtes en position debout. Par exemple, quand vous êtes en una posición de pie. Avant le moindre mouvement que vous allez faire au niveau du membre inférieur, du membre supérieur, par exemple pour aller attaquer quelque chose. Antes de faire quelque mouvement à niveau du membre supérieur, par exemple pour coger une chose, vous aurez toujours avant un mouvement d'équilibration qui sera au niveau des pieds. Siempre habrá un movimiento de equilibración que se hará a nivel de los pies. C'est-à-dire que je ne peux faire un mouvement de bonne qualité qu'à partir du moment où je suis en équilibre. No podemos hacer un movimiento de buena calidad antes de que yo me esté, si yo no estoy bien equilibrado. Donc ça, c'est des expériences qu'ont montré Dachner, Kürkinkel, Béraud, c'est que solaire et jambier antérieur travaillent toujours avant les muscles proximaux, ou alors tout mouvement des bras ou de la jambe opposée. Son los estudios que hicieron Dachner y Kürkinkel que demostraron que el solo y el tibial anterior suele trabajar siempre antes que los músculos, del brazo o de la pierna opuesta. D'accord. Donc on s'équilibre toujours en mouvement. Par exemple, on imagine j'ai un livre. Por ejemplo, imaginamos que tenemos un libro. Un livre qui est lourd que je vais lui poser sur les mains. Coloco un libro gordo en mis manos. Quand je vais lui poser le livre sur les mains, juste avant qu'elle soit en contact, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un petit mouvement de recul pour compenser en fait le poids du livre qu'elle va faire sur sa main. Antes de que él ponga el libro encima de mis manos, lo que voy a hacer es un pequeño movimiento de echarme para atrás para compensar el peso que me va a poner encima de mis manos. D'accord, donc il y a un mouvement de préparation. Donc ça veut dire que finalement, le solaire va se contracter avant 17. Eso significa que es un movimiento de control que mi solo se va a contracturar antes que mi bíceps. D'accord, le solaire pour équilibrer avant le biceps pour porter. Primero el solo para equilibrar y luego el biceps para soportar el peso. Et pour tous les mouvements que vous allez faire, ça va se passer comme ça. Y esto para todos los movimientos que vamos a hacer pasa de la misma forma. Alors, ce sont des choses qui se font de manière totalement automatique, on n'y pense pas. Son cosas que se hacen de manera automática, no pensamos en ellos. Mais voilà, mais ça fait partie justement de la régulation en fait de l'équilibre de la posture. Pero esto es parte de la equilibración de la postura. Et quand ce système est défaillant, y cuando este sistema falla, et ben, ça va amener des problèmes de douleur, des problèmes de chute. Y esto va a crear problemas de dolores o problemas de caídas. Le meilleur moyen en fait de dépenser le moins d'énergie, c'est d'être toujours dans l'anticipation. la mejor manera de gastar menos energía es siempre estar anticipando. Donc ça va être intéressant lorsque vous allez commencer à discuter en fait de vos semelles avec d'autres thérapeutes. Esto es interesante para cuando tengáis que discutir sobre vuestras familias con otros terapeutas. On va prendre un exemple, l'instabilité externe au niveau du pied. Por ejemplo, pone como ejemplo la inestabilidad externa del pie. D'accord, donc générateur de l'entorse externe au niveau de la cheville. Que genera esguinces a nivel lateral del tobillo. Si vous êtes sur une action purement biomécanique, si estamos en una función puramente biomecánica, vous allez vous dire, puisque le pied part sur l'extérieur, je vais mettre un élément externe pour venir stabiliser mon pied. Como el pie se va hacia el exterior, vamos a colocar un elemento externo para estabilizar mi pie. Ça, c'était ce que vous avez appris. Seguramente esto es lo que habéis aprendido. D'accord. Maintenant, si on n'est plus sur cette notion de préparation à l'action, pero si estamos sobre esta noción de preparación a la acción, on va se poser la question déjà pourquoi le pied part sur l'extérieur. Nos preguntamos ahora por qué ese pie se va hacia afuera. Si le pied part sur l'extérieur, c'est parce qu'en fait, il évite un appui en extérieur. Donc, plus que je vais aller stabiliser mon pied en extérieur, cuanto más estabilice mi pie a nivel exterior, je vais plutôt travailler en fait sur la partie interne et faire en sorte que mon pied vienne en appui en dedans. Donc, je vais travailler en anticipation. Et je vais mettre un élément en interne. Vamos a colocar un elemento interno. D'accord, pour permettre au pied de revenir en appui en dedans. Para que el pie pueda apoyarse otra vez en la parte interna. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais travailler en fait avant le mouvement de supination. Porque lo que vamos a hacer es trabajar antes de que el pie supine. Je vais travailler en anticipation. Trabajamos en anticipación. Et c'est ce qu'on observe, hein, c'est-à-dire que par rapport à l'instabilité externe. Es lo que observamos en relación con una inestabilidad externa. Qui est souvent la conséquence d'une épidémie métatique de la vie plantaire. Que muchas veces está relacionado con una espinia metatica de la vie plantaire. On a des résultats thérapeutiques qui sont beaucoup plus intéressants. Tenemos resultados terapéuticos mucho más interesantes. Avec un élément antéro-interne qui vient neutraliser l'épinie métatique de la vie plantaire. Con un elemento antéro-interno que va a neutralizar las espinas irritativas. Qui avec un élément externe qui vient stabiliser le pied externe. Comparado con un elemento estabilizador externo puesto a nivel lateral del pie. D'autant plus que maintenant on le sait, en fait la cheville met beaucoup moins de temps à se retourner. El tobillo pasa mucho más tiempo en girar. D'accord, tu as laissé de se rattraper, c'est-à-dire que la contraction musculaire des fibulaires. Alors, la contraction musculaire des fibulaires. La contraction musculaire de los fibulaires. D'accord, mais deux fois plus de temps que la cheville se retourne. Alors, deux fois c'est mas. C'est le tobillo, c'est le tobillo. Donc, c'est normal le tobillo avant que l'opéro néo. Alors, c'est-à-dire, si on donne une valeur chiffrée comme ça, c'est une valeur annuelle, c'est pas si les... damos un valor de cifras. D'accord. Les fibulaires émettent 20 millisecondes à se contracter pour stabiliser la cheville en externe. Los peroneos tardan 20 milisegundos para contracturarse y estabilizar el tobillo. D'accord. Alors que le mécanisme de l'entorse se fait en 10 millisecondes. Cuando el mecanismo de esguince se hace en 10 milisegundos. D'accord. Ce qui veut dire que si vous mettez un élément externe pour venir tenir et stimuler les fibulaires. Sí, entonces significa que si colocamos un elemento externo para estabilizar los peroneos. D'accord. Et donc empêcher l'entorse de se faire, ben ça ne marchera jamais. Y empeorar que este esguince se produzca, esto no nos va a funcionar de todo. D'accord, parce que ça va trop vite. Porque va demasiado rápido. D'accord. Donc c'est pour ça que plutôt décider de retenir un mouvement qu'on ne peut pas en empêcher. Sí, intentamos parar el movimiento que finalmente nos va empeorando. Il est beaucoup plus intéressant de travailler en fait en anticipation. Es bastante más interesante de trabajar en anticipación. Esta noción de la rapidez de la pourquoi vous êtes toujours sur cette notion de préparation à la seconde. Voilà, on a une meilleure action thérapeutique. À partir du moment où on régule en fait comme il faut cette préparation à l'action. Desde el momento que estamos regulando de manera como hay que hacer esta preparación a la acción. Esta es la parte que es más importante. C'est la phase préparatoire. Parce qu'une fois que le mouvement est lancé, en fait, on ne peut plus l'arrêter. Porque una vez que el movimiento ya se haya lanzado, es mucho peor parar. Bien sûr. Que la idea. Siempre podemos bloquearlo. La idea principal es la terapéutica. Ok, entonces, vamos a hablar de plus en lien con los chakras musculares. Vamos a hablar de los músculos que tienen relación con las cadenas musculares. Entonces, hay un que es importante que es el músculo de la cadena. D'accord, donc c'est un muscle qui est postérieur. Qui va venir en fait s'attacher sur l'arrière du crâne. Et donc son rôle, c'est un extenseur de la tête. Et comme c'est un extenseur de tête, ben, il empêche aussi la tête de tomber en avant. Donc il empêche l'hyperflexion de tête. Donc, au niveau de notre système d'équilibration, on va avoir en permanence une analyse qui va se faire au niveau de la boîte noire donc, par rapport aux informations envoyées par les capteurs et par les positionneurs. Vamos a estar haciendo un análisis permanente a nivel de la caja negra con informaciones que nos van a llegar de los capteurs y de nuestros ordenadores. C'est-à-dire qu'on a dans notre cerveau une cartographie, une image corporelle idéale. Tenemos en el cerebro una cartografía, unas imágenes corporales ideales. D'accord, y en función de las informaciones que van a ser enviadas por los diferentes capteurs y positionneurs, on va a analizar nuestra posición global en permanencia, la corrigir. Va a llegar a la caja negra información de los factores y de los posicionadores y se va a buscar permanentemente esta posición. D'accord, donc ça veut dire qu'en permanence, notre cerveau il va analyser les informations sensorielles que l'on reçoit. Y permanentemente, el cerebro va a ir analizando todas las informaciones que le van llegando. D'accord, les comparer par rapport à un idéal que l'on a en fait intégré. Los compara con un ideal que está ya integrado en el cerebro. Et nous ramener en fait sur cette position idéale. Y nos va a llevar siempre hacia esa posición ideal. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait on est sur un mode de correction qui est perpétuel. Y entonces podemos decir que estamos ante un modelo de corrección que es perpetual. Perpetuel. D'accord, donc on est sur une régulation. Estamos en una régulation en bucle. Donc au niveau des chaînes, on va vous décrire deux chaînes, la chaîne directe et la chaîne croisée. A nivel de cadenas, vamos a describir dos cadenas, una es la cadena directa y otra es la cadena cruzada. Donc ces chaînes directes et ces chaînes croisées sont en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, les synergies et la position entre la position de la tête et la position du bébé. Estas cadenas están relacionadas con estas sinergias que hemos visto entre la posición de la cabeza y la posición de los pies. D'accord. On va le voir un petit peu plus en détail, mais ça en fait on est sur des schémas d'équilibration. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Nous allons voir plus en détail, mais sont des cadenas qui nous permettent la équilibration. Alors, on peut avoir des hypertonies au niveau des chaînes postérieures. Podemos tener hipertonías a nivel de las cadenas posteriores. Donc on a trop de tonus au niveau des chaînes postérieures. Si hay demasiado tono a nivel de la cadena posterior. Alors, elles vont souvent être la conséquence de soit des dysfonctions centrales, donc des dysfonctions au niveau du système nerveux central. Normalement, ce sont des conséquences à niveau central. Qui peuvent être, par exemple, ici. On est en fait sur un tétanos. Por Aquí, por ejemplo, estamos ante eso, una infección bacteriana. Un caso de tétanos, que es una infección bacteriana. Claro, son las infecciones de meninges, lo que se llama de meninges, y que pueden entrañar también perturbaciones del tórax. Las infecciones a nivel de las meninges, que. Et donc on se retrouve là, par exemple, on est sur une gravure qui montre une crise de tétanos, on se retrouve en fait avec une contraction faite de tous les fléchisseurs. Et ici, par exemple, nous sommes ante un cas de tétanos qui va créer une contraction de tous les fléchisseurs. D'accord, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec un sujet qui est complètement arculité, avec les bras pliés, les mains, les poignets, tout est replié sur lui-même, et pareil au niveau des pieds, d'accord, avec les orteils aussi qui sont en flexion. En este caso vemos que hace una curva de todo el cuerpo, pero también los brazos, los puños están contracturados y también a nivel de los pies podéis ver que los flexores están en contracción. D'accord. Donc là, comme on est sur une dysfonction centrale au niveau du système neuromusculaire, ça va toucher tout l'ensemble du corps. Aquí, como estamos en una disfunción central a nivel neuromuscular, vemos que esto afecta a todo el cuerpo. Donc on a toutes les chaînes postérieures qui sont surstimulées, qui sont hypertoniques. Todas las cadenas posteriores que están sobreestimuladas. D'accord. Et puis, on peut avoir aussi des perturbations des chaînes postérieures en conséquence à des dysfonctions que l'on va avoir au niveau viscéral. Y podemos también encontrar cadenas posteriores como consecuencia de problemas viscerales. Parce que ça tire devant, je me protège. Porque me está tirando por delante, yo me protejo. D'accord. Et parce que je me protège, ça finit par tirer derrière. Y como yo me protejo, al final acaba tirando por la parte de atrás. Ça, par exemple, ça va expliquer les douleurs chez la femme au moment des cycles menstruels. Por ejemplo, esto explica los dolores a nivel en las mujeres con la regla. Ok. J'ai des tensions au niveau du terrain. Ça tire devant. Je protège. Et résultat, c'est le terrain de mon douleur. Tengo más tensión. La regla a nivel del útero, entonces yo me protejo, como yo me protejo, tira por detrás y me aparece el dolor atrás. De riñones, ¿qué se llama? Donc ça veut dire que toute cette notion de chaîne neuromusculaire, c'est vraiment à ramener sur un mode de fonctionnement global. Esto de las cadenas neuromusculares tiene que ver con un modo de funcionamiento. D'accord, donc au travers du fonctionnement, la neurophysio, les synergies de fonction, tout ça c'est important, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment fonctionne le corps dans cette globalité. La neurophysiologie, la synergie de fonction, hay que entenderlos como un fonctionnement global del cuerpo. Ça c'est super important. Si on revient à la douleur menstruelle, ça ne sert à rien de se préoccuper de la douleur lombaire, si l'origine est au niveau du corps, par exemple. No tiene ningún interés ocuparnos del dolor cuando estamos en la regla a nivel posterior, sino tenemos que entender lo que está pasando a nivel posterior. Entonces es muy importante entender estos funcionamientos a nivel global. Donc la chaîne directe, hein, pour que vous visualisiez bien, ce soit très clair dans votre tête. Para que visualicéis bien, que esté claro en vuestra cabeza, la cadena directa. Donc la chaîne directe, vous allez voir, on va mettre en lien en fait le semi épineux de la tête avec le solaire. Vamos a relacionar la cadena directa, el semi espinoso de la cabeza, con el solaire. Okay, donc avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc en sachant que c'est solaire plus semi épineux de la tête, donc le semi épineux de la tête. Celui qui fait l'expansion. Hemos dicho que es solio con el semiespinoso de la cabeza. Este semiespinoso de la cabeza es el que hace la extensión de la cabeza. A votre avis, quel est l'intérêt de cette chaîne postérieure directe? ¿Cuál creéis que es el interés de esta cadena posterior directa? Dans le plan sagittal. en el plano sagital. D'accord. C'est solaire, avant-arrière. Es el solo, ante, delante, detrás. Et le semi-épineux de la tête, je me lève et tu me baisses la tête. Y el semi-épineux de la cabeza, subo o bajo la cabeza. Donc la chaîne directe, en fait, c'est le branchement qu'a trouvé le corps pour réguler la position de la tête dans le plan sagittal. Et la cadena directa es las uniones o las conexiones que ha encontrado el cuerpo para los movimientos sagitales. D'accord, pour toujours avoir le regard sur l'horizon. Para mantener todo el rato la mirada horizontal. Ok. Et vous verrez la chaîne croisée. Oui. Chaîne croisée, on est sur les fibulaires. Y veremos que la cadena cruzada estamos en los peroneos. au niveau du pied. Et donc si je veux tester les fibulas, c'est pour ça que je fais des supinations de la poitrine. Et si queremos testar los peroneos, vamos a hacer una supinación de la tête. Donc on revient sur celle-là. Donc là, on va faire une flexion dorsale et on va vérifier est-ce qu'on est limité d'un côté par rapport à l'autre. Vamos a hacer una flexión dorsal de los pies y lo que vamos a observar es si tenemos una limitación respecto al otro. Donc là, on voit qu'on a une hypertonie du soleil droit. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos una hipertonia del soleo derecho. Parce qu'on a moins de flexion dorsale que. Porque tenemos menos flexión dorsal del derecho. Ensuite, on va faire la même chose au niveau de l'avant-pied. Vamos a hacer la misma cosa a nivel de l'avant-pied. D'accord. Et là, on va faire une supination au niveau de l'avant-pied. Vamos a hacer una supinación a nivel de l'avant-pied. Donc, si on fait une supination de l'avant-pied, en fait, on étire les fibulas. Cuando estamos haciendo una supinación de l'avant-pied, pues vamos a hacer un estiramiento de los peroneos. Et donc, on va regarder est-ce qu'on a un côté qui est limité par rapport à l'autre supination. Y vamos a observar si hay un lado que está limitado respecto al otro. D'accord, qui pourrait traduire donc une hypertonie des fibulaires. Lo que se puede traducir en una hipertonía de los peroneos. Gracias. Es una mar de cita. De momento. ¿No? No sé qué me espera. ¿Sí? Sí. Es para ver cómo están relacionados. Manténganme. Y punto. Pero no sé cómo tengo una conclusión. Pensaba que era esto que estaba leyendo. Es solamente para ver y estar. Ya están preparando las brochetas. Entonces nos falta la mitad entre esta mesa y todo lo que hay es posible poner grupos de tres y seguro que habrán algunos grupos de dos. ¿Vale? Donc, j'ai juste montré sur un pour le positionnement des mains. Lo va a demostrar sobre alguien, para, sobre todo para la posición de la...